4h du mat à Bruxelles. C'est un peu dark, mais c'est bien. Hein. Ah, c'est cool. Les mecs, faudra prendre une console plus grande parce que vous êtes à 4 mains sur les petits boutons, vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez pas arriver. Ils ont l'air de se gêner. Ils se gênent mutuellement. Mais c'est vachement bien ce qu'ils font. Hein. Ouais. Hibou avec deux H. C'est là-dessus qu'on termine l'émission. C'est leur son, bravo ça. Les gars, applaudissez le gros Hibou. Applaudissez celui qui a fait Michael Jackson. Applaudissez tous ceux qui étaient mentalistes ce soir. De Giorgio à tout le monde, la petite chanteuse Ambre qui a chanté divinement bien de 10 ans. On n'a pas pu passer tout le monde. La demoiselle avec sa langue de 2m50. Camélia. Parce qu'elle a grandi depuis la fin de l'émission. Bisous à tous, bonne nuit. Au revoir, Facebook. Allez, bonsoir tout le monde, on est parti, il est quoi, 22h02, on est en direct aussi, c'est parti sur Énergie. Okay. Du lundi au jeudi, de 22h à minuit, c'est Kyo Radio 2.0 sur Énergie. Et c'est parti du coup 22h avec toute l'équipe qui s'installe aussi. On se retrouve tous les soirs pour Guillaume Radio 2.0. Si vous venez d'arriver, première émission de France à partir de 10h du soir jusqu'à minuit. On va faire de la radio ensemble. Si vous voulez venir délire avec nous, avec le nouveau soprano, tu vois. Quoi qu'on va l'écouter après. Ok. On l'écoutera en entier. Nouveau soprano. Et alors, grosse soirée sort de prévu. On va se faire un jeu du couple qui s'annonce énorme. L'un d'entre vous ou l'une d'entre vous va énerver sa mère ou son père. On le fera tout à l'heure avant la fin de l'émission. Jeu du couple qui est prévu. On se fera l'énigme, on a plein de cadeaux à vous offrir. Et si vous voulez venir délire avec toute l'équipe comme d'habitude, bah vous êtes à la maison. Hein, Guillaume et le message au 6 11 12. Faut juste commencer le SMS par Guillaume pour qu'il arrive dans le studio ici. Et on peut tout lire à l'antenne. Voilà, 22h03. Il y a du foot ou du sport. Bonsoir, je vais stagiaire. Ouais, salut Guillaume, okay. Salut. Bah, il y a l'équipe de France qui joue là, les Bleus contre l'Angleterre. Ils mènent 2-1. C'est la mi-temps. Ah, voilà. Match amical. Voilà, équipe de France qui joue. Ah, Deschamps aux commandes. Ah, c'est ça, il est encore là. Et toujours, ouais. Pourquoi tu dis il est encore là? Tu penses qu'il va bientôt partir? Non, hein, il va faire la Coupe du Monde en Russie l'année prochaine et après, je pense qu'il va partir. Hein. Ah, bah ouais, à mon avis. À moins qu'il gagne, on verra. Ah ouais. T'aimes pas trop, toi, Deschamps? Moi, pas trop, non, j'aime pas. Pourquoi? Trop. Ah, je sais pas, je l'ai jamais aimé. Même en tant que joueur, je l'ai jamais aimé, en fait. Ah, c'est au faciès, genre, bah, je pense c'est qu'il faut prendre genre Zidane, tu vois. Ah ouais, toi, t'es. Ah ouais. Bah, il réussit au Real et il a plus de charisme et il sait tenir les joueurs parce que Deschamps, il est un peu trop gentil, tu vois. Ah, alors, je vais essayer son avis sportif. Bonsoir, alors, toute l'équipe qui s'installe. Ouais, ça va nickel, tranquille. Eh ben, vas-y, bah, bienvenue. Hein. Bah, merci beaucoup. Eh ben, ça fait plaisir. Merci de m'accueillir. Faut les cadeaux. Alors, t'as récupéré des trucs hier, on a encore plein de cadeaux. Ouais, des cadeaux. Filer. On a quoi là? Il y a des tablettes Samsung, il y a des montres Samsung aussi. On a des overboards ou des PS4 Pro. Ouais, on a plein de trucs. Ouais. Overboard là, ça défonce les nouveaux. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Guillaume, bonsoir tout le monde. Bonsoir Sabrina. On se voit de dos aujourd'hui. Ouais, ça fait bizarre. Ouais, parce qu'on a pris un standard de secours pour vous expliquer. Bon, bref, ça n'a pas d'intérêt, mais du coup, je vois son dos. Voilà. Beau dos. Et accessoire. Aussi du coup ses cheveux, voilà, je vois un long rideau noir devant moi. Ça va la journée, ouais, rien de spécial? Ouais, bah si, en fait dans le métro je me suis fait reconnaître. Ah, c'est vrai? Première fois. Ah, ouais, ça fait bizarre. Ah, et alors une main au cul? Hein. Non, il était un peu trop jeune. Bah alors il n'y a pas d'âge, hein. Non, mais c'est surtout il faut pas le faire, ouais. Hein. Ouais. Salut Guillaume, toujours à l'heure pour la meilleure émission du monde. Ah, c'est gentil les gars, merci au collège Saint-Jean Guidel, bonsoir à tout le monde. J'ai un stagiaire pour une bouteille de coca, il met de l'aspirine dedans dans ses fesses, merci. Bah, n'importe quoi, une bonne, hein, fin de soirée à vous. Bonsoir Teddy de Fourmi dans le Nord, représente un Fourmi, hein. Ouais, le 5-9. Salut à tout le monde, toujours à l'heure aussi, on est là. Je viens stagiaire, hein. Salut Avatim et Bezo, petit bisou sur les fesses de Sabrina Ben Leroutier. Ah. Bisous de la Corse, bonsoir Jessica, bah, les chouchous, salut. J'ai l'impression que tu lis pas les messages, bah la preuve. Dédicace à tous les potos du collège Simon Anthony et Rémi Daspé, Simon du 31, à la 6ème C du collège Sacré-Cœur. Les gars, il y a plein de messages, des dédicaces qui arrivent de partout. Vous pouvez balancer un Guillaume et votre message au 612. Hier, vous parlez des Khmers Rouges, hier, ils étaient au pouvoir de 75 à 79. C'était pas en 98, merci beaucoup. On viendra sur l'histoire exactement du collège. Ah, non, oui, mais c'est oui, vrai, t'as raison. Oui. Sabrina, j'ai envie de toi, voilà. Bonsoir, JM du Standard. Salut Guillaume, salut tout le monde. JM du Standard se fait beaucoup moins draguer. Ah ouais, ça m'arrive jamais. Il y a un peu moins de, il y a un peu moins de drague, il y a un peu moins de j'ai envie de toi au Standard. Ah, c'est autre chose, hein. Au transport, Cranzac, salut les gars. JM, je te flagelle le trou du cul. Ah, ça commence, oh. Salut Cédric, bah, tu vois. Guillaume, et votre message aussi, son dose. Avant de faire un jeu du couple, hein, moi j'ai envie de faire un énorme jeu du couple. On parlera des plaisirs, du plaisir anal tout à l'heure aussi, avant la fin de l'émission. Et il fait vraiment jour, hein, c'est dingue. Ouais, de ouf. Bah, ouais, 22h06 là, attends, je regarde, mais vraiment. Il y a encore limite un peu de. Pas du soleil, mais. Bah, c'est l'été bientôt là. Ah ouais, bah c'est. Le 21 juin. C'est exactement. On est le combien là? On est le 13. Le 13, ouais. Dans 8 jours. On est le 13. On est vraiment direct à la seconde près. La preuve, on vous donne le score de l'équipe de France. Ils viennent 2-1 contre l'Angleterre, ouais. En match amical. Qui joue pour l'instant. Qui a marqué pour l'équipe? Alors, il y a Sidibé et Umtiti. Voilà, pour ceux qui suivent le foot. Et Clément, qui est la première de la soirée, qui en a appelé au standard. Vraiment, on s'est mis au 6ème étage d'énergie. C'est une vraie libre antenne à l'ancienne. Vous passez un coup de fil et vous passez. Ça va très vite. C'est vrai, hein. 0800 70 42 48. Un petit coup de fil. On est 4 là dans le studio d'énergie, 5 au 6ème étage. Il n'y a personne d'autre dans ce grand bâtiment. Et c'est à l'ancienne. Voilà, on fait de la radio vraiment en direct absolu. Il n'y a pas 2 minutes de décalage comme sur toutes les autres radios. C'est vraiment, on tape des mains, ça s'entend à l'antenne. Donc, non, mais c'est vrai, c'est hyper important pour le ressenti et tout. Moi, j'ai vraiment insisté pour garder le direct, etc. à l'ancienne pour ça. Fini le travail, je me branche sur l'énergie. Merci à toi, et eux, branchés, et eux, donc une fille, salut. Au collège Émile Zola, après, pour ceux qui connaissent, il n'y a pas de souci. Comment il va, Julien Stagiaire? Pas trop le cul en feu. Ça va, bah pourquoi non. C'est vrai, du 49. Tout va bien. J'ai une question. Est-ce que Julien Stagiaire en fait exprès d'être? Et j'ai pas la suite du message. Ah bah, on vous pas, a mis une vidéo avec Julien Stagiaire tout à l'heure sur notre deuxième chaîne YouTube Gameplay. On met des paquets de chips dans un micro, on a ne pas refaire chez soi. Ah non, ah, c'est dangereux. Mais en fait, on a essayé un truc parce que ça diminue ces certains paquets en particulier à ne pas refaire chez soi. Mais allez voir la vidéo. Ouais. C'est ne pas mettre au micro des paquets de chips. Voilà. La vidéo et c'est sur la chaîne Gameplay. Vous êtes déjà 50 000 à l'avoir, 60 000 à l'avoir vue. Merci beaucoup. Ça fait super plaisir, les gars. 210 000 abonnés quasiment. Ça fait trop plaisir en 2 mois là. Bonsoir à tous. Toi, Guillaume, JM du standard, on dirait la petite sœur d'Arthur en plus moche. Salut. Julien, je te brique l'anus avec mon. Bah pourquoi gag. Ces messages comme ça? Clitoris. J'ai rien fait. Sérieux, c'est grave. Il y a des messages. Bah ouais, c'est chiant. Mais à chaque fois, j'ai l'impression, le pauvre. Et calmez-vous quand on arrive. Ah ouais. C'est cool, quoi. Bah ouais, je suis gentil. Hein. Attendez 5 minutes quand même. Bah même pas 5 minutes. Non, on ça est froid là. Je passe mon oral de brevet demain. Souhaite-moi bonne chance. Et ben bon courage à vous, les potos là. Merde. Parce que tous ceux qui ont le bac ou le brevet, les premières épreuves, c'est un peu en décalé. Et ben bon courage à vous tous et vous êtes les bienvenus, les gars. À quoi ressemble Sabrina? Bah, une jolie brune avec des beaux yeux bleus. Voilà. Voilà. La 5e quête du collège Saint-Didier d'Arnouville. Bonsoir à tout le monde. T'as une voix super sexy au téléphone, mais je crois qu'on s'est pas eu au téléphone. Ou alors c'est confond. Clément qui m'écrit en ce moment. Ça va, Clément? Alors, Clément, 17 ans. Tu m'entends, Clément? Vous allez bien? C'est du papa! Ça va ou quoi? Tranquille. Salut. Clément, 17 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, de Pont-de-Buis, les Quimerches. Ouais, non, Quimères. Les Quimères, ok. Pont-de-Buis, les Quimères, ok. Pratique encore cette histoire. Bah, représente, hein, c'est dans le Finistère, c'est ça, dans le 29? Ouais, ouais, la Bretagne. Ouais, dans le 29, ouais. Vas-y, enchanté les Bretons, ça fait plaisir. Hein. T'étais déjà passé à la radio de Pont-de-Buis? Non, jamais, non. Jamais. Le pont de Buis, les Quimerches. La Bretagne. C'est pas pratique à dire quand même. Ah ouais, pont de Buis, les Quimerches, c'est en 5 lettres, quoi. C'est une phrase, le truc. Deux ponts, ça suffit, non? J'habite à Fesnoy. Ah non, pont de Buis, on dit pont de Buis. Ah, pas, on dit pont de Buis. Ah ouais. PDB, quoi. Ouais. Vas-y, pas de problème. Salut à PDB, alors. On fait les initiales. Bon, vas-y, on chante. Hein. Tu travailles dans quoi, toi, Clément? Je suis au lycée. Au lycée, non, en terminale. Où ça, à PDB, t'es au lycée? Non, je suis à côté de Brest, à Landerneau. D'accord, à MCE, tu sais, tu parles quand même. À LDN, Landerneau. Ah ouais. Ok, vas-y, bah ça fait plaisir. Dépucelage alors, radiophonique, première fois que ouais, ça passe à l'antenne. Ma première fois. Eh ben ça fait plaisir. Ok. Merci de le faire chez nous, en tout cas, ça fait vraiment, c'est cool quoi. Depuis quand t'as découvert cette émission là, bizarre? Ouais, j'écoute depuis longtemps, mais je n'osais pas. Sérieux? Enfin, je sais pas, ça me tentait pas, ouais. Pourquoi? Moi je sais pas, mais c'est hier, il y a eu un truc que vous avez fait passer et ça m'a fait rire, du coup j'ai envoyé un message et... Ah c'est gentil, bah, un déclic. Vas-y, pas de problème, ouais. Pas de problème. Eh ben je vais essayer de vous inciter à appeler, bah, alors, ouais. En passant un truc marrant. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'appeler demain. Voilà, je suis sûr que là, voilà. Et là, il y a beaucoup d'appels au standard, ah, ouais. Là, vraiment c'est en train de s'emballer. Non mais vraiment, faites-moi péter le standard les gars, vraiment, je le dis souvent d'ailleurs, mais c'est vrai. Faites-moi péter le standard comme si c'était une vulgaire radio locale, bah, faites-moi oui. exploser ce standard. On vous faites-moi attend. Péter le standard comme si c'était une maison de retraite avec un jour de canicule. Appelez-moi au 0800 70 42 48. Vraiment, faites-moi péter le standard comme si c'était le standard du Stade de France le jour de la finale à la Coupe du Monde. Ah bah oui. Faites-moi péter le standard. On peut donner des exemples, par exemple. J'ai un stagiaire. Attends, je vais trouver un truc pas vulgaire. Faites-moi un truc vulgaire. Donc attends, mais tiens, on va faire une liste de faites-moi péter le standard. Ok. Comme. Voilà, vraiment. Et faites-moi, Sabrina, faites-moi péter le standard comme. Comme. Merci, Sabrina. Faites-moi péter le standard comme un restaurant chinois le jour du nouvel an chinois, j'en sais rien, non mais voilà. Ah oui. Un truc, tu vois, qui correspond. Faites-moi péter standard comme un restaurant de couscous le jour de l'Aïd, voilà, un truc. Non mais c'est vrai, un jour où ça sort pour bouffer, un truc, tu vois. Faites-moi péter standard, Flo des cadeaux. Faites-moi péter le standard comme à TF1 le jour de la finale de The Voice. C'est gentil. J'ai essayé. Comme le cul d'une actrice dans Jacques et Michel. J'ai raison, quoi, on y va. Du glamour, quoi, ça va. Flo des cadeaux, il s'endort. Mais non, mais c'est. Comme un standard de The Voice. Okay. Merci. Il a mis une chemise bleue, c'est le daron aujourd'hui. Non. Il faut le rafraîchir un peu, Flo des cadeaux. Pour demain, j'ai pas fini mon diaporama pour l'oral de demain. Je suis dans la merde. Salut à toi. Salut. Ouais, bon courage à tout le monde. Je viens de stagiaire, vraiment, je te kiffe. Voilà. Ah, merci, c'est gentil. Je te démonte quand tu veux, c'est Gérard par SMS. Gérard. Encore une bonne soirée qui s'annonce. Salut à toi, l'équipe Miss Kania. Okay. Voilà, bah, c'est parti, c'est du direct, c'est du live, c'est du live. On est à 22h12. Oh mon ego, dites-le-moi si j'en fais trop. Devrais-je repartir à zéro? Pas faire du mal à mon frérot. À tous, Bébert, 44 tonnes. Heureusement que je vous ai dans mon camion. Vous parlez de conneries avec les profs. J'ai attaché ma prof d'espagnol au tableau quand j'étais en 3ème. Non, c'est pas possible. Mais les amis, arrête. Oh, le faire ça. Attends, là, c'est un truc. C'est quoi? C'est de la séquestration, mon gars. Là. Y a plus de respect. Tu fais ça aujourd'hui, tu fais 10 ans de tôt. Bah, franchement, ouais. Super le saut de la Tour Eiffel. Merci, Phil du 49. Merci. Bonsoir à toi, le stagiaire. Il est tellement chauve qu'on dirait magnifiquement plus moche. Oh. Je suis pas chauve déjà. Merci. Hein. J'ai envoyé un message hier soir et tourne ma cuille en héros ce matin à l'école. Merci, Simon du 31. Bravo, mec. Salut. Ah, ça fait plaisir. Fais-moi péter le standard comme on fait péter le cul de JM du standard. Non, on fait pas péter. Allez-y, écrivez-moi une liste là. Guillaume et Guillaume un espace et faites-moi péter le standard comme. Voilà, vraiment. Mais ouais, j'en sais rien. Attends, faites-moi péter le standard comme un. Attends, mais vraiment, comme le... vas-y, oui, on peut faire un hashtag. Ouais, c'est ça, Guillaume. Faites-moi péter le standard comme. Ouais, mais alors c'est un peu long comme hashtag. Ouais. Ça va partir en couille. Ouais, mais je crois en plus, ça rentre pas, je pense. Tu peux essayer, j'aime du standard. Je vais essayer, Guillaume. Faites-moi, prends mon Twitter. Ouais. Faites-moi péter le standard comme. Allez-y, hein. Salut Guillaume, faites-moi péter standard. Bon, comme le cul, on a compris. Ouais, c'est bon. Faites-moi péter standard. Mon petit frère est à moi, il vous kiffe. Bonsoir à tout le monde, comme le cul du stagiaire. Ok. Non, non. Bonsoir à toi, Val de Kessel. Salut, vous êtes une équipe géniale, c'est gentil, merci les gars. Salut. Faites-moi péter le standard comme le cul, ok. Comme le cul du stagiaire dans une soirée SM. Ça va, ça va. Comme un bouton de champagne, Romain du 71. Faites-moi péter standard comme quoi alors? Comme la centrale de tir. Ah non. Okay. Trop ça y est, là, ça dérape. Faites-moi péter c'était standard sûr. Comme on fait péter la rondelle. Non mais on a compris. Bah, du stagiaire, voilà. C'est pas drôle. Faites-moi péter le standard comme la barre de pouces bleus sur votre chaîne YouTube. Merci mon con. Il y a 2-2, il est en retard le stagiaire, il dit n'importe quoi. Bah non, il y a pas 2-2, c'est t'es ah si, il y a 2-2. Donc ils viennent de marquer là. Qui vient de marquer? Les Anglais, ils ont égalisé de partout. Merde. France Angleterre en direct, on vous tient au courant. C'est un match amical. Dans mon collège, il y a un sixième qui a donné un coup de tête au prof de musique. Oh putain, c'est abusé ça. Ah ça part. Alors il fallait se lever et puis lui mettre un coup de tête aussi. Un coup de flûte. Dans mon collège, il y a enfin un coup de tête à l'élève. Ouais. Hein, oui, bah, pas au prof. Évidemment. Sinon c'est la merde après. Faites-moi péter standard comme un plan glory hall de JM du standard. Ça a plus de sens. Faites-moi péter standard comme moi, je me fais péter les boutons le matin. Bonsoir Ben. À la cinquième liste, les conseils de classe, on s'est bien fait niquer. Comme je démonte Sabrina la nouvelle. Non. Faites-moi péter standard comme quand je prends une butte dans mon camtar. Non, Jaco, et oh. Non, ça dérape. J'ai demandé que cette émission soit élégante. Okay. C'est pas parce qu'on est en direct absolu et qu'il n'y a plus qu'une émission qui fait ça qu'il faut. Ça parte non plus tout de suite, hein, les gars. On s'écoutera DJ Khaled et Justin Bieber. I'm the one. Oh, hey, oh. Comme la dinde à Bruno à Noël. Salut à toi, Miley du 64. Faites-moi péter standard. Ah, les gars, je peux pas dire. Non, là, vous avez pété un pont. Là. Faites-moi péter, Haricot, un costume soir. Faites-moi péter comme les Haricots. Faites-moi péter standard. Non, les gars, vous êtes tarés ou quoi? Non, mais il y a des messages. Oui, normal. Faites-moi péter, je vous laisse imaginer ce qui arrive. C'est cool parce qu'après, avec vous, peu importe la merde qu'on a eue, bah, on vous écoute, ça nous fait oublier tout ça. Ah, c'est gentil, mec, merci. Merci, hein. Merci ça, ça me fait plaisir que tu me dises ça. Margot, qui est arrivée chez 5e5 du collège Carnot, dédicace à elle. Et Mila, si elle m'écoute, Salma. Salut Salma. Fais-moi péter le standard comme la tête d'un gladiateur dans Game of Thrones. Salut à tout le monde. Ah, j'ai pas vu Game of Thrones, mais pareil, non. Ça défonce. Faites-moi péter le. Bon, il y a beaucoup de messages. Eh ben, allez-y, on va les lire là. Faites-moi le péter le standard comme le pot d'échappement d'une bétonnière. Ouais, bon, ça me parle pas, mais j'embrasse les bétonnieux. Les bétonnieux, voilà, bien sûr. Bisous. Faites-moi péter le standard comme si vous veniez de manger les faillots. Merci Catherine, hein, Catherine d'Alsace. Faites-moi péter le standard comme Hiroshima, les gars. Non. Faites-moi péter tous mes collègues de McDo, Châtellerault Sud, de la part de Miguel Raffarin. Bonsoir à tout le monde. Moi, je kiffe JM du standard, j'adore sa voix. Si j'étais pas marié, je le draguerais, signé Julie. Ah, bah, salut Julie. Ouais. J'aimerais avoir la gueule de Julie. Ouais. Oh. Non, mais parce que je pense que c'est un fake, tu vois. Ah oui, Julien, en général, quand c'est des messages trop mignons, bah oui. Faut faire attention, quoi. Mais si c'est une vraie, je t'embrasse, ma Juju. Et moi puis, aussi, je t'embrasse. Mais vu qu'elle est mariée, du coup, non. Ouais, c'est marrant, mec. Alors, on va retrouver donc Clément. Clément, il t'est arrivé une histoire avec un boulot d'été, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Tu vas travailler cet été ou par rapport à un truc que t'as fait l'année dernière? Non, c'était pas par rapport à cet été, c'était l'été dernier. D'accord, vas-y, raconte alors. En gros, je commence par la raison. En gros, c'était que pendant une soirée, j'ai chié sur une plage. Mais attends. Tu commences fort d'un coup. Non, tu veux pas remonter 10 minutes avant et qu'on comprenne la situation? On est perdu là. Une soirée, donc j'étais assis, j'avais bu de l'alcool, quoi. Ouais, c'est à consommer avec modération, je suis obligé de le dire, hein. C'est une nouvelle loi qui est passée. Merci, le c'est ça, ouais. Et du coup, il y a des potes à moi, ils m'ont dit, vas-y, t'es pas chié, je chie sur la plage. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai chié sur la plage. Mais devant tout le monde? Bah ouais. Mais pourquoi tu chies devant les autres? C'est quand même un truc que je ferais pour rien au monde, chier devant les autres. Non, je sais pas. T'as pas le choix. Non, mais là, t'es pas dans une prison de haute sécurité américaine. Ouais. Je veux dire, à un moment donné, t'as quand même le droit à cette intimité. À part dans les aéroports où t'as des portes qui sont tellement hautes que t'as l'impression de voir les genoux des mecs. Ouais. Ça, c'est horrible. Quand t'es dans un aéroport et qu'il y a 40 cm de vide et tu vois les chaussures. Bah, moi, je chie pas à l'aéroport. Et t'entends. Ah ouais, bah moi, j'ai pas le choix. Parfois, moi, je me retiens. Mais parfois, t'as pas le choix. Quand t'as un vol de 10 heures, tu te dis, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est chier dans le Boeing? Après, non, avant, ou d'accord. Voilà, tu vois, donc tu dis, bon, allez, vas-y, les mecs, je les connais pas. Il y en a un qui part à Dubaï dans 5 minutes, l'autre qui part en Amérique, tu sais, les mecs qui sont à côté de toi, donc tu les reverras jamais de ta vie. Genre, tu te lâches après. Ouais. Et bah ouais, après, limite, en fait, moi, c'est ce que je me lâche et après, j'attends 10 minutes que tout le monde change. Voilà, ça c'est horrible quand tu sors et que tu sais que tu laisses une place empoisonnée. Et tu sais que le mec, il a une chance sur deux de survivre après toi, tu sais. Mais tu ouvres la porte et tu souris. Moi, je baisse les regards et j'avance, quoi. T'as un peu honte, mais j'ai un peu honte, quoi. Ou alors, tu fais genre, l'odeur, elle était là déjà. Moi, je lui dis good luck. Sorry for that. Good luck, bye bye. See you tomorrow. Nice to meet you. Ichlebilich. J'ai chié grave, Ichlebilich. French touch. Et alors, et donc, j'ai pas compris, Flo, les cadeaux. La touche française. Ah, French touch. French kiss. Ouais. Clément, alors, histoire avec un boulot d'été, t'as fait une soirée, t'as chié devant les autres. En gros. Ouais, et certains de mes potes m'ont pris en vidéo. Ah, mais non, mais pourquoi? Je veux dire, excuse-moi, mais déjà, chier devant les autres, c'est un passage. Ouais. Mais surtout, pourquoi à un moment donné, pourquoi tu te laisses filmer, quoi? Pourquoi tu y vas si tu vois que les autres filment? J'étais pas bien, quoi. Enfin, ils ont un peu abusé, quoi. Ouais. C'est-à-dire que les autres, ils abusent toujours. Après, faut faire attention à pas se faire niquer, quoi. Bah ouais, fallait pas chier, mec. Hein. Exactement. Fallait attendre. Bah ouais. Mais t'as chié genre sur quoi? Sur des oursins et tout genre? Ou sur non, le sable? Non, sur le sable. Sur Bah ouais. Va dans l'eau, hein. Comme ça, il y a les petits enfants qui s'est les pâtés le lendemain. Il fait un pâté de caca. Ils comprenaient pas, la mère, elle dit, t'arrives jamais à le faire aussi bon. Il est bien dur. Il y a les doigts qui sentent la merde. Et donc, ils t'ont filmé et quoi? Quel est le problème? Bah, ils ont mis la vidéo pour mon anniversaire sur Facebook. Oh. Ouais. Bah jusqu'à là encore, enfin c'est marrant sur le coup et tout, mais après du coup j'ai postulé pour un boulot d'été. Ouais. Oh non. Et j'ai reçu une lettre et tout comme quoi ils aimaient pas certains aspects de ma personnalité. Ah oui, bah ça doit être ça. Ah oui. Du coup je pense que c'était pour ça. Bah ouais. C'était quoi le boulot d'été? C'était dans un restaurant pour servir. Quel restaurant? C'était une crêperie à côté de Anvec, je sais plus le nom. D'accord. Mais tu veux qu'on les genre qu'on les appelle et qu'on leur explique que c'est parce que t'as chié sur une plage un soir d'anniversaire ça va être... que ça peut être marrant. Hein. Ça va être chaud. Hein. On peut essayer de les convaincre, hein, tu vois. Moi j'ai Maître Caca ici, qui est avocat anti-caca, et ouais. qui pourra très bien nous défendre, tu vois ce que je veux dire. T'inquiète pas. Et bonsoir Maître Caca. Oui bonsoir, je suis Maître Caca. Je suis scandalisé que mon client ne soit pas pris par cette plage. Non ça marche pas, ça marche pas. Je pensais que ça pouvait marcher, mais on a non mais par contre on peut appeler en disant que tu regrettes et que ça c'était une soirée. C'est chaud. C'est une erreur d'enfance, tu vois, tu diras. T'étais malade, t'avais la gastro. Ouais, c'est une connerie, tu vois. Et voilà, t'as vraiment envie d'y bosser ou t'as trouvé autre chose depuis? Ouais, j'ai trouvé autre chose, enfin, c'était pour l'été dernier. Ah, bah alors on s'en fout. Bah oui. Ouais, j'ai trouvé autre chose, ouais, bah c'est, enfin, j'ai trouvé pour cet été, quoi. Et finalement, t'as fait quoi du coup? Bah du coup, j'ai rien fait. Ah oui, et cet été, t'as trouvé maintenant le premier boulot d'été. Tu vas faire quoi cet été? Les échalotes, en Bretagne, bah oui. Ah, ok, ok. Tu vas aller dans les champs pour les ramasser? Ouais, voilà. Très bien, et ben voilà, comme c'est un boulot d'été. Ouais, ouais. Pendant deux mois ou pendant quelques semaines seulement? Pendant 4 semaines, donc un mois, ouais. Ouais, bah c'est bien, c'est bien. Ouais. Payé combien? Je sais pas encore, je crois que c'est entre 800 et 1000 euros. D'accord, ok. Et c'est fatigant, les échalotes, faut les ramasser par terre. Ouais. La cueillette? Ouais, tu sais comment ça pousse les échalotes, j'ai un stagiaire. Bah, c'est un peu en salade, non? Et bah, si, non, mais... comme les fraises, bah tu cueilles. Ah oui, d'accord, ok. Ah, je croyais que tu disais que ça pousse dans des salades. Non, mais c'est dans l'air, par terre. Oui, non, mais ça va. Fais-moi péter standard quand même après avoir mangé une flamme et une cul. Fais-moi péter standard comme Guillaume, le meilleur, il déchire. Merci les gars. Hey, demain, je passe en premier dans ma salle pour l'oral, c'est chaud. Salut Florian du 80. Bon courage. Guillaume, et votre message au 612, comme Clément. On va parler des histoires marrantes. Tiens, avec les boulots d'été. Est-ce que vous avez déjà eu un boulot d'été? Et vraiment, c'est parti en couille. Où il y a eu une histoire un peu rigolote avec un boulot d'été. Sabrina, la nouvelle, ouais. T'as fait des boulots d'été de fou, toi. Ouais, j'en ai eu pas mal de boulots d'été. Ah bah très bien. Tu vas nous raconter ça alors. C'est une histoire marrante. On se fait juste une Fonzie avec Justin Bieber dans 30 secondes, juste après la pub. On parle de tout ça, les histoires marrantes avec un boulot d'été. Si vous voulez passer en deux minutes, vous envoyez Guillaume et votre histoire avec votre numéro de téléphone. Ok. Au 6 11 12 et je vous appelle juste après ça sur Énergie. Les hits Énergie. C'est vos hits préférés. C'est les hits du moment. Énergie. Music only. Vu comme elle est mince. Dis donc, mais elle a beaucoup perdu. Je sais, on en prend une. Attends les Days of Play. Les Days of Play? Ben oui, les promotions PlayStation. Une console slim et des prix minces. Regarde, la PS4 Slim 500 Go et deux manettes sont à 299,99€. Les Days of Play du 10 au 17 juin. Voir modalité de l'offre dans les magasins participants en quantité limitée. En découvrant un tombeau mystérieux, ils ont réveillé des forces terrifiantes. Je vous présente la princesse Amanette. Elle vient réclamer ce qu'on lui a refusé. La momie, Tom Cruise. Il cherchait un trésor. Il a déclenché la tempête. Vous avez été choisi. Par quoi? Le mal suprême. La momie, le 14 juin au cinéma, avec Énergie. À vos marques, prêts? Et c'est parti entre la DSL et la fibre. Et la fibre a pris un départ canon, elle rafle tout sur son passage. Photos, vidéos, fichiers, elle télécharge à une vitesse incroyable. Tout à fait Thomas, la fibre semble en effet sûre de finir la course en tête, avec même plusieurs connexions simultanées, quelle vitesse! La fibre free, c'est vraiment quelque chose! Découvrez vite la vitesse de la fibre free jusqu'à 1 gigabit par seconde en réception et 200 mégabits par seconde en émission. Offre soumise à conditions, sous réserve d'éligibilité et de raccordement à la fibre. Débit max théorique. Plus d'infos sur free.fr ou au 1044. C'est de la Gagnez sur Énergie des iPads pour la sortie du film 50 nuances plus sombres en Blu-ray et DVD. Vous voulez devenir une femme entretenue? Écoutez Coé de 19h à 22h sur Énergie et vous gagnerez sur Énergie votre iPad et le film 50 nuances plus sombres. 50 nuances plus sombres, disponible en Blu-ray et DVD. Énergie, it's music only. Distracted with the life I'm trying to paint, yeah. Allez, 22h à minuit, on arrive à 10h du soir à peu près. Le vieux DJ pourri, c'est... J'ai trouvé un son là, soyez les bienvenus les gars. Tiens, je vais essayer, rattrape ça là. Ouais, vas-y, c'est bon. Rattrape ça. Voilà, je voudrais féliciter quand même notre stagiaire qui nous a fait un montage d'une grenade qui rebondit très bizarrement. Cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling. Et soyez les bienvenus, je m'appelle Guillaume. Si vous venez d'arriver, on est en direct chaque soir, 22h à minuit, les 22h28, dans 2 minutes, on va se faire un jeu du couple. L'un d'entre vous qui a énervé son mec ou sa meuf. Il y a Flo des cadeaux qui est là. Salut tout le monde. JM stagiaire. Ouais, salut, je suis là. Il y a Sabrina. Ouais, salut. Et JM du standard. Ouais, bonsoir à tous. Clément est avec nous aussi au standard. 17 ans de Pont-de-Buis. En direct du Finistère, dans le 2-9. Ouais, Bretagne. On parlait des histoires un peu marrantes avec un boulot d'été. Si vous avez déjà fait un boulot d'été, ou alors vous avez failli faire un boulot d'été et il y a une histoire un peu rigolote et tout, venez nous dire Guillaume et votre histoire avec votre numéro de téléphone dedans au 6-11-12. Guillaume et l'histoire avec votre numéro au 6-11-12. Et Clément, dis-moi un chiffre, frérot, entre 1 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre 1 et 8, s'il te plaît, là. 4. D'ailleurs, moi, j'ai 400 CD, des merdes, des bons, des nouveaux, des vieux. On a tout mélangé. Ouais. Et je prends le premier de la pile numéro 4, d'accord? Je triche pas, vraiment je triche pas, ok? Au hasard. 1, 2, 3, 4. C'est le CD de Ben l'Oncle Soul. Ah, c'est bien. Ah, ouais. Ah non, pardon, je suis une connerie. Ah. En fait, c'était le truc 3, et moi, c'est celui que j'ai dans la main, c'est Christophe Maé. Ah, c'est bien, ouais. C'est bien aussi. Voilà, on s'attache, on s'abandonne. Quoi. Ok, t'envoies le CD de Christophe Maé, d'accord, Clément? Tu sais, c'est toujours un truc où t'es déçu parce que. Ah, il dit rien, Clément. Alors, t'es pas content, Clément? Tu veux qu'on rejoue? Est-ce que tu veux qu'on rejoue? Ah ouais, je veux bien, ouais. Je te propose de remettre en jeu ton CD. Bah tu peux, ouais. Et par contre, tu peux tomber sur moins bien. T'as, ah bah oui. T'as le droit à deux choix. C'est le jeu. Ok, allez, entre, ouais, non, 1, changer, ouais. Entre 1 et 8, vas-y. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la nouvelle compile Energy Total Hit. Ah, c'est voilà. Mieux. Bah, c'est bien, c'est bien. Bien. Ouais, il y a de bah, tout dessus. Mieux. Vas-y, vas-y, je t'envoie ça demain matin, frérot. Ok. Bravo. Bien joué, mec. Toi qui as chié sur la plage, tu venais d'arriver. Il a fait une soirée et il a postulé pour un boulot d'été, sauf que ses patrons sont allés voir sur son Facebook et ils ont vu, il a vu, enfin, les patrons ont vu qu'il faisait des soirées bourrées où il faisait caca sur la plage. C'est un conseil moderne à ça. Et du coup, ils n'ont pas voulu le prendre. Est-ce que vous avez des histoires marrantes avec vos boulots d'été, les gars? Je compte sur vous. Vous prenez votre portable, les mecs, vous êtes en voiture, vous êtes chez vous, vous êtes dans le lit, vous avez cours demain. Vous prenez 30 secondes, les gars. Vous m'envoyez un petit texto qui commence par Guillaume et ensuite vous l'envoyez au 6-11-12 et venez nous dire juste si vous avez déjà une histoire marrante avec un boulot d'été. Tiens, j'ai un stagiaire. Ouais, bah moi en fait j'ai fait que Décathlon, mais une année j'ai failli faire brancardier en fait parce que ma mère travaillait à l'hôpital et j'étais fan de la série H, et dans H il y avait Ramzy qui était brancardier et franchement je le kiffais, c'est mon préféré et j'ai voulu faire brancardier à cause de ça en fait. Ah c'est vrai, ouais. Et là, après Décathlon m'ont pris pour le sport et je préférais le sport donc je suis allé vers le sport. Ah non, t'es pas allé. Mais c'était rigolo, quoi. En fait. Tiens, boulot d'été, ouais. Tiens, j'ai un stagiaire, il a été influencé par une série. Par Ramzy dans H, ouais. Par Ramzy dans H, ouais, quoi. C'est trop drôle. Brancardier, ouais. Après il a été inspiré par par le sport Décathlon. Par Katsuni. Je vais faire de porno, ça va. Par Jackie Michel et tout. Il a fait un autre boulot d'été, quoi. Non, ça va. Fais-moi péter si t'en as, comme l'autre qui chie sur la plage chez Bébert 44. Oh. Ans, c'est encore Roms, je voulais savoir si c'était bien. La Sabrina que je croise à la Jonquera dans le bar de. Non, les gars. C'est des parapluies. Ah, c'est chic. Bonsoir, arrête, ouais. Non, mais les gars, faites-moi péter si t'en as comme les coutures d'un trou du cul à peine rafistolé qui se fait démonter par. Non, mais les gars, vous êtes complètement tarés ce soir, là, si vous arrive. Non, mais attends, c'est un truc de fou. Je suis Léa, je viens d'appeler, voici mon numéro. Très bien. Guillaume et votre histoire. Qu'est-ce qui vous est déjà arrivé de trucs marrants pendant un boulot d'été? On se fait le nouveau. Enfin, Maître Gims, on se fait loin. On avait dit qu'on se l'écouterait. On se le fait maintenant. Et juste après, on retrouve Clément de Pont-de-Buis et toutes vos histoires de boulot d'été avec les histoires marrantes. Guillaume et le texto 612 sur Énergie. Ferme les yeux, oublie. Si on devenait ce qu'on s'était dit, ça vaut tout l'or du monde. Et si on allait sur une île ou sur une planète vide, peu importe le prix, ça nous rendra plus forts. Tu prendras toutes mes gênes et toutes mes peines. Je ferai de même en prenant toutes les tiennes. Je serai fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. Tu seras fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. Tu prendras toutes mes gênes et toutes mes peines. Je ferai de même en prenant toutes les tiennes. Je serai fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. Tu seras fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. Observe le monde et médite. On s'est construit un empire qui nous ressemble vraiment. Et dire qu'on pensait être libre sans même tourner les pages du livre. Comme quoi rien n'est impossible, on a figé le temps. Tu prendras toutes mes gênes et toutes mes peines. Je ferai de même en prenant toutes les tiennes. Je serai fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. Tu seras fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. Tu prendras toutes mes gênes et toutes mes peines. Ensemble avant que tout s'éteigne. Jeudi, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, remonte les vaches, là. J'ai 6 mois pour les remonter, là. Les faire pétrer. Hein. Ouais. Attends, parce que je crois qu'il y a les vaches. Les vaches. Non, j'ai dit les vaches. Là, j'ai stagiaire, c'est trop les vaches. J'ai plus les animaux. C'est les bienvenus, les gars. Guillaume et votre message, c'est son dose. Il est 22h34, nous sommes en direct. Je vous ai mis une vidéo tout à l'heure. C'est une fille de 13 ans qui est venue clasher deux youtubeuses beauté qui étaient avec nous, Oria et Mi Makeup. Alissa, elle s'appelle. Je vous ai mis la vidéo tout à l'heure sur notre chaîne YouTube. C'est Guillaume Play, PLEY, si vous venez d'arriver. Je vous ai mis ça tout à l'heure. Là. Venez nous retrouver d'ailleurs. Guillaume Play, PLEY, si vous avez deux secondes. Venez vous abonner, on est de plus en plus nombreux dessus. Là. Ça fait plaisir d'ailleurs. Merci les mecs de follow et tout. Il y a Charlotte qui est là de Cournon d'Auvergne. Bonsoir Charlotte du 6-3. Ouais. Puis Dôme, salut. Hey, bonsoir à toi, bienvenue salut. Dans ce battle de rap. Salut. Nous allons maintenant commencer à rapper. Bon, ça va, tu fais quoi dans la vie, Charlotte? Je suis pizzaïola. Pizza, ah, non, okay. T'es pas déjà passé il y a longtemps? Non, jamais. Jamais, c'est une vrai autre alors. Non. Une pizzaiola, ça me dit quelque chose, j'ai l'impression. Vas-y, bah écoute, bienvenue la pizzaiola. Bienvenue. Musique et tout. On t'accompagnait sur notre Vespa. On va rendre. Alors, 23 ans de Cournon d'Auvergne. Alors, qu'est-ce que tu voulais raconter comme histoire en rapport avec les boulots d'été? Une histoire marrante. Eh bien, c'était il y a 2 ans, j'ai travaillé dans une grande surface. Je faisais de la mise en rayon le matin. Ouais, et quelle grande surface? Ah, je peux pas le dire. Bah pourquoi tu peux pas le dire? T'es la patronne? C'est Carrefour. Non, parce que je me suis fait virer. Ah, bah alors justement. C'est pas grave, bah, t'en fous. Bah, c'est pas grave, non. Ouais. Enfin, vas-y, raconte d'abord l'histoire alors. Peut-être que c'est ta chien dans le rayon. Non, ouais, qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, c'est super chiant la mise en rayon. C'est super chiant. En fait, je me suis retrouvée à mettre des paquets de pâtes dans les rayons des pâtes, en fait. Donc j'avais des gros cartons avec plein de pâtes dedans. Et attends, t'entends plus, Charlotte. Ouais. Mets-toi près du téléphone et enlève le doigt dans le trou, s'il te plaît. C'est bon, je l'ai enlevé. Non, mais c'est pas une blague. Parfois, vous mettez votre portable et ça glisse et tout. Les doigts dans le trou, ce sera la fin de l'émission. Et en plus, c'est vrai, ça va être les doigts dans le trou, ça va être le plaisir anal et tout. Ça fait plusieurs jours qu'on en parle. On va en parler un petit peu avec Sabrina. Ah, ouais. Bah oui. Il y a Aude, notre nouvelle stagiaire, on pourrait en parler avec elle. Ah, cool, spécialiste. En plus, vu qu'elle a commencé hier, je pense qu'elle est très à l'aise. Ah ouais, elle a des choses à dire. Et vous verrez la fille la moins à l'aise du monde, du coup, sur son sujet. Ah, Julien, la stagiaire, c'est son sujet depuis tout petit. Bah oui, rien à dire, mec. On en parlera. Évidemment. Moi je reste. Mais alors, Chacha, 23 ans, le Cournon d'Auvergne et tout. Venez nous dire un peu les boulots d'été, là. Guillaume et votre message aussi sans zoos, des histoires marrantes en rapport avec les boulots d'été. Avant qu'on se fasse le jeu du couple et l'énigme, on vous file des cadeaux tout à l'heure avant minuit sur Énergie à Charlotte, du coup, qui a travaillé dans un supermarché. Et qu'est-ce qui s'est mal passé? Eh bien, en fait, j'ai utilisé un tuteur. Donc on t'entend mal, putain, Charlotte, fais un effort, bordel de merde. Ah ouais. J'ai utilisé un tuteur pour ouvrir le carton de pâte. Ouais, non, mais là, t'as une oreillette, là. Non, pas du tout. Non, j'ai la voix cassée. Non, mais ça t'est, ma chérie. Ouais, la voix. Je fais la diff. Je fais la diff. Non, mais là, t'es en train de me saucer, là. Je te jure, j'entends rien. Et tu parles avec le haut-parleur? Non, pas du tout. Non. C'est le réseau. Ton portable, tu le tiens avec ton épaule? Non plus. Est-ce que tu peux le tenir par en haut? Ouais. Ok. Ça va mieux, là? Ouais, beaucoup mieux. C'est merci. Non, mais rien à voir. Ah, attends, je pense savoir ce que c'est. T'as un jean ou pas? Non. Non. Ah. T'as quoi en dessous? C'est vrai que... Je plaisante. C'est pour les mecs qui trouvent des excuses. Non, mais c'est pour les techniciens pour qu'ils règlent le son. Et donc, alors, vas-y, Guillaume et votre texto. Vous commencez Guillaume le SMS pour qu'il arrive dans mon studio pour une dédicace, un petit message. Hein, si vous voulez balancer un message, vous êtes en voiture, vous l'essayez, vous allez voir, je vais dire le message 30 secondes après. On est en direct absolu, il y a 22h38. Il y a du France-Angleterre ce soir. Ouais, de partout pour l'instant, la match amicale au Stade de France. Donc, vraiment, on est en direct absolu, on lit les messages et tout. Et je rajoute absolu parce qu'il y en a, il y a beaucoup de radios qui disent en direct, mais ils sont décalés de 2 minutes. On est vraiment en direct absolu. C'est-à-dire que voilà, par exemple, TF1 ne fait plus de direct. Hein. Mais ils ont peur, c'est TF1, ils ne marquent plus direct, ils sont en direct, mais en différé de 2 minutes. Même le JT ou... Et donc, absolument tout. Hein. Pas compliqué, hein. Y a plus rien qui est en direct. Au cas où il se passe quelque chose. Nous, on est seul con à faire du direct. Nous, on prend des risques, on s'en fout. C'est ce qui nous plaît. Voilà. Pas trop le dire. Mais. Et donc, Charlotte de Cournon d'Auvergne a travaillé dans un supermarché pour un boulot d'été et tout. Et qu'est-ce qui s'est mal passé? J'ai pas compris. Je devais mettre des pâtes dans le rayon. On t'entend plus, Charlotte. Tiens, par où? Il faudrait que tu essayes de te souvenir de ce que je t'ai dit il y a 2 minutes. La soirée va être longue. J'ai pas bougé, hein. Non, mais je te jure, quand tu tiens par en haut, vraiment, ça s'entend la différence. Vas-y. D'accord. Donc, du coup, j'ai ouvert le carton de pâtes avec un tuteur. Oui. Et en ouvrant le carton de pâtes, ben, j'ai ouvert tous les paquets de pâtes. Oui. Et du coup, j'ai toutes les pâtes qui sont tombées dans l'allée des pâtes, en fait, dans l'allée. Et je me suis retrouvée à côté des petits vieux à récupérer toutes les pâtes à la main, dans le rayon. Voilà. Ouais. Donc après, il t'est arrivé une histoire de fou. On t'écoute pour l'histoire de fou. Hein. Ben, pour l'histoire, c'était ça. Non, mais je rigole. Je sais. Non, mais c'est bien, mais attends, c'est marrant une histoire là, une galère. Voilà, moi ça m'est arrivé de faire tomber, pareil, je mettais en rayon, j'ai fait tomber un carton énorme avec le gerbeur, hein. Ça s'appelle, c'est le truc avec deux trucs en fer qui soulèvent les palettes. Ah oui. Là. Et ça s'appelle un gerbeur, c'est moche. C'est pas beau. Ouais. Et j'ai fait tomber un paquet des paquets d'Haribo de plusieurs centaines de kilos et tout, j'ai tout pété. Il y a des vidéos. Ouais, après, ça peut. Ah, bien sûr, mais c'est. En plus, j'ai pas le permis. c'est un autre employé pour l'assurance. mais c'est vrai. Et donc, ça, t'as mis un coup de cutter, t'as ouvert le carton avec des pattes qui sont tombées partout. Tu t'es fait virer pour ça? Pas que pour ça, non. J'ai fait la même chose avec les paquets de chips. Ah ouais. Alors, par contre, c'est bien ce que je dis. Que je t'explique de ne pas tenir ton téléphone par en bas, 10 secondes après, tu le fais. Là, t'as dû ouvrir un carton, il t'a dit ne fais plus ça, 2 minutes après, t'as fait un carton. Non, comment ça se fait? Pourquoi tu l'as fait deux fois, la connerie? Je sais pas. Enfin, c'est psychologique. J'ai ouvert le paquet et ça a ouvert tous les paquets de chips. Ah ouais, d'accord. T'as maladresse. Ouais. Salut, Guillaume. Il y en a qui dit tu nous as couillé, tu nous avais dit Despacito et finalement on a eu Maître Gims. T'as raison. Je l'ai aussi. Hein. Il est là, Despacito. Je te jure, on l'écoute dans 30 secondes. On se fera de nouveau Soprano. On va s'écouter tout ça tout à l'heure. Salut Guillaume, appelle-nous, on est dans un internat, je vais raconter les conneries que je fais, il n'y a pas de problème. Quand vous avez, laisse ton numéro là. Quand vous avez imité les fermiers et les vaches, j'ai cru que c'était la radio locale à côté de Timothée. Ah, moi je viens de la campagne, hein. Je veux dire, toute l'équipe d'ailleurs, il n'y a pas un mec de ville. Fais-moi péter standard comme le four à micro-ondes, bande de malades, salut. La dose de bonheur, avec toi Guillaume, je vous aime. Salut Julie de Valenciennes, merci ma Juju. Bisous. C'est Maurice, il est au bord d'une falaise. Oh non, c'est trop connu ça. Non, non, Anatole là, non, non. Non, les gars là, non, c'est la guerre, les blagues là. 3-2 là. Ouais, but de la France, Dembélé pour les Bleus. Voilà. Merci. Je viens de te dire qui suis grave. Contre l'Angleterre, ouais, je suis là. Attends, je rentre dans un photomaton là. Consigne suivante. Placez-vous de face. La tête droite est centrée et fixez l'objectif. Gardez une expression neutre, fermez la bouche et ne souriez pas. T'as les photos et les photomatons, voilà. Ouais. Ça n'a aucun sens l'émission, hein. Sache-le, Charlotte. On raconte une histoire avec des pâtes et un cutter, juste après on écoute un photomaton. Voilà. Je veux dire, c'est vraiment. Ça peut servir. C'est le fond du panier. C'est le fond du panier. Salut Guillaume, je pourrais faire une émission spéciale avec les anges neufs. Oui, on peut aussi pas faire une émission spéciale avec des anges neufs. Ça dépend, ouais, forcément. Et c'est vrai. Non, mais en plus, on aime beaucoup les anges. On peut tout faire. Et ouais, vraiment, c'est vraiment les anges neufs, un truc. C'est un truc vraiment que. Ouais. Voilà. Vraiment, moi tu me parles de télé-réalité. Non, par contre, j'aime beaucoup une meuf dans Les Anges. J'aime, elles sont jolies quand même. Non, mais c'est vrai que parfois je zappe et il y a des nanas qui sont très belles. On va pas se voir. Elles sont là pour ça aussi, malheureusement. Ils sont là pour ça. Il y a Barbara Lune qui est très belle. Ah ouais, dedans. Dans le neuf. Ouais. Nabila, j'ai trouvé très très belle à l'époque. Elle est plus dedans, mais j'espère que ton émission va durer parce que c'est de la bombe. Salut les gars. Là. Merci. T'inquiète, elle continuera, mon gars. Elle continuera. Et branche sur les radios à 22h. On y sera, quoi qu'il arrive. Et sur Énergie en particulier, j'aimerais bien. Je suis en déplacement professionnel à l'étranger, ça fait beaucoup de bien de vous écouter. Salut à tous, je vous écoute sur energie.fr. Salut Greg. Salut. Et bah le SMS il arrive quand même. Aude, votre nouvelle stagiaire, je la casse en deux. Ah non. Non. Excuse-moi, Aude. Ah bah merci. Non, mais attends. Elle est choquée, genre. Ah bah merci. Moi j'avais mis 78, j'ai jamais entendu ça. Qu'est-ce qu'il casse en deux? Il casse le jeune, il casse quoi? Je n'arrive pas à comprendre. C'était ça. Ça y est, 3-2 pour la France, voilà, exactement. Ouais. Ouais. C'était peut-être Aude, je la casse en 2-3 pour la France. Soit bah oui, voilà. Oui, bah oui, foot, bien sûr, évidemment. Ouais, merci les gars. Alors, Charlotte, supermarché, on parle des boulots d'été. Guillaume et votre histoire. Avec votre numéro de téléphone dedans, les gars, vous apportez votre couille à l'édifice. Il faut venir avec votre numéro de téléphone, sinon je ne peux pas vous rappeler. Avec votre numéro de téléphone, c'est hyper important. Guillaume, votre histoire avec votre numéro au 6-11-12. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé une histoire en rapport avec un boulot d'été un peu marrant? Sabrina, la nouvelle, qu'est-ce que tu as fait comme boulot d'été? Oh, j'ai tout fait. Bah, j'ai fait pizzaiola, j'ai fait serveuse, j'ai fait. J'ai fait scout girl. J'ai jamais aussi bien gagné, Guillaume. Non, mais j'ai fait plein de trucs, des ménages. 100 balles par soir. Et il y avait que ma bouche qui travaillait. Le reste du corps est resté assis, Guillaume. Non, je rigole, t'imagines. T'imagines le. C'est la gêne et tout. Il n'y a pas de sous-métier, Guillaume. Bah ouais. Mais ouais, non, j'ai fait beaucoup, enfin principalement serveuse. Principalement. Ouais, et t'as fait ça. Et alors, une histoire un peu marrante en faisant serveuse. À Bordeaux, c'est ça, tu viens de Bordeaux? Ouais, à Bordeaux, j'ai un truc de ouf qui m'est arrivé une saison. En fait, avec mon mec de l'époque, on était contents parce qu'on avait réussi à avoir un boulot ensemble l'été. Et en fait, quand on arrive au camping, les stagiaires qui étaient là nous disent bah, bonne chance, vous n'allez pas tenir une semaine, en fait. Donc, déjà, ça nous met dans l'ambiance. Et en fait, au bout du premier jour, effectivement, bah, je me rends compte que la patronne était complètement cinglée. En fait, elle est venue vérifier le ménage qu'avait fait la stagiaire. Et en fait, elle s'est mise à quatre pattes dans les chiottes et elle a récuré avec son ongle le rebord du chiotte pour montrer que c'était encore sale à la stagiaire. Ah, c'est le maniaque, quoi. Ouais, mais enfin, tu le fais pas avec ton ongle, quoi. Ah, c'est clair, c'est un peu crado, quoi. Donc, du coup, bah, moi, j'étais un peu choquée et tout ça. Et bon, elle a fait plein de trucs pendant. Enfin, on est resté 20 jours au final. Et en fait, elle a été raciste parce que, pareil, en fait, elle a coupé la Wi-Fi dès qu'il y avait des Néerlandais ou des Anglais qui arrivaient dans la zone Wi-Fi. Elle l'a coupée parce Pourquoi qu'elle elle supportait pas. En fait, elle nous disait j'aime pas les étrangers. Elle dit je suis obligée de les accepter parce que ça me fait du pognon, mais je les aime pas. C'est vrai? Ouais, non, mais c'était un truc de malade. Ça, c'était dans un bar? C'était dans un camping. Ah ouais. Ouais, putain, un camping. La vache. Et en fait, bon, il y a eu plein de trucs qui se sont accumulés. Donc après, on s'est engueulé à un moment donné parce que j'avais mis des petites cuillères, enfin des grosses cuillères pour. C'était une soirée moule frites. Et j'avais mis des grosses cuillères. Et en fait, elle m'a engueulé devant tous les clients. Ouais, alors que j'avais raison, parce qu'il y a des gens qui aiment bien le jus des moules. Ah vois. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Non, mais c'est vrai, attends, mais il y a de la crème et les tout. Les détails. Mais ouais, mais c'est énorme, c'est un truc de base en plus. Et quand tu prends des moules frites à la crème, j'aime du standard. Évidemment. Bah oui. Un bol moule frites. Le jus des moules, ça, avec des cuillères. Bien sûr, mais les moules frites, c'est la base. Ouais. Sauce roquefort. La base. Ouais, grave. Ça me fait saliver. Flo des cadeaux, moules frites. J'ai horreur des fruits de mer, donc ça me donne pas du tout envie. Je vais essayer. Ouais, les moules au vin, j'aime bien, mais je trempe les frites dans le jument, en fait. Bah oui, aussi. Ouais, c'est tout, ouais. Bien sûr. Voilà. C'est trop bon, des moules frites. Ah, franchement, l'été, là, c'est la vraie vie, quoi. Mais bien sûr. La première chose que je vais faire cet été, c'est moules frites. Ouais, bonne moules frites. Ah, mais évidemment. Putain, tu manges aucun fruit de mer, Flo des cadeaux. Non, et pourtant, je suis né au bord de la mer, mais tout ce qui vient de la mer, j'ai horreur. Même c'est le poisson et tout, ouais, je déteste. Non, mais c'est non, vraiment, vraiment. Non. Putain, tu sais pas ce que tu rates. Hein. Bah, si, j'ai déjà tout goûté, mais je trouve ça dégueu. Ah, c'est vrai, ouais. Ça a le goût de l'eau de mer. Mais c'est parce que je pense que t'as pas été élevé, t'as pas été bien élevé, quoi. Ah bon? Non, mais t'as pas été élevé pour manger des fruits de mer. Si. En fait, quand t'es tout petit et qu'on t'en met dans la bouche, ah, des crevettes. Ah ouais? T'inquiète que mes parents, ils ont bouffé pas mal et qu'ils ont essayé avec moi. Ah mais ouais, non, j'aime pas le goût. Comme job d'été, j'ai travaillé dans un club de putes et j'ai vu Julien Stagiaire. Ah non, non, Vachkiri, non, salut, non, je suis une vache qui rit. N'importe quoi. Salut, je m'appelle Christopher. Il y en a qui mettent des noms de leur classe et qui balancent des trucs de pute derrière. Guillaume, et votre message au 6-11-12. Aude, tu démontes le cul quand elle veut, Cédric. Non, mais les mecs. Respectez-la, la petite Aude. Elle est toute nouvelle, elle arrive là. Oh putain. Je suis Aude, la stagiaire, c'est une petite coquine belle routier. Non, mais les gars. Sympa l'accueil. Hein. Non, mais dites-lui, voilà, je t'aime, Aude, t'es trop belle. Voilà des messages. Ça, vous avez le droit. Non. Bah oui. Aude et Sabrina, respectez-les, c'est des petits diamants. Hein, vraiment. Ouais. Au moins bonjour. Non, attends. Sabrina, elle est moins farouche, hein, je veux dire. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est normal. Attends, et donc Sabrina, et donc moule frite et tout, ouais, et tu t'es embrouillé et t'as terminé ce boulot d'été dans le camping. Ah ouais, non, mais ça s'est terminé d'une façon choquante, en fait. En fait, ça a terminé que. J'ai mis moule dans la gueule. Non, mais déjà, c'était chaud parce qu'il fallait qu'on démissionne, on savait pas comment faire, c'était un CDD, enfin, c'était gros bordel, on avait pas internet, on avait rien, on était dans un mobilhome, il faisait 42 degrés, enfin c'était la saison. C'était dans un camping dans quelle ville, juste sans dire c'était le nom. À Rosan, c'est proche de. Bah, il y en a plein à Rosan, c'est proche de Bordeaux. D'accord, ok, très bien. Ouais, et donc, pas très loin. Un camping dans la ouais, Gironde. Quoi. C'est ça. Et donc, du coup, bah, à un moment donné, on va la voir, on lui donne notre lettre de démission, et donc on lui dit, bon, on y va et tout ça. J'avais mis toutes les valises devant le mobilhome, et là, elle nous fait, bah, maintenant, vous avez 5 minutes pour quitter les lieux. Sauf qu'il y avait un long chemin, c'était en plein cagnard, donc je lui dis, bah non, on attend mon beau-père qui vient nous chercher. Donc, bah, toutes les affaires sont devant, mais on t'attendra 10 minutes de plus, autant qu'il arrive. Et là, en fait, elle se met à courir vers le mobilhome. Non, mais c'était un truc de dingue. C'est une furie, la meuf. Non, mais ouais, elle commence à courir vers le mobilhome. Et elle commence à prendre le ventilo, elle commence à le balancer sur la route. Et là, elle commence à s'approcher de mon lapin. Donc, du coup, bah, moi, je commence lapin, à la pousser. Merde. Attends, excuse-moi, mais. Le lapin. Ton histoire, allez, on va pas se mentir, elle est un peu longuette. Ouais. Mais un peu, c'est gentil. Attends. Mais en fait, du coup, trop ouais. Il y a un lapin maintenant. Et je vais te dire un truc, moi, j'ai commencé à décrocher et tout, alors. Il y a de nouveau dans l'histoire. Parce que. La meuf, elle te raconte une histoire, elle écoute, et là, elle a le tac à mon lapin. Mais. T'avais un lapin en boulot d'été? Ouais, j'avais amené mon lapin avec moi, et en fait, ça a fini qu'on s'est étranglé dans les buissons. C'est pas vrai. Ouais. Avec elle on s'est étranglé. Mais toi, tu t'es battu avec ton ex, tu t'es ouvert le coude. Ouais. J'ai l'impression que t'es quand même une bagarreuse. Hein. Un petit peu, ouais. C'est vrai? Ah, c'est une violente. Si on me cherche, après, il faut vraiment me chercher, mais là, elle a attaqué mon lapin. Ah ouais, elle a fait quoi ton lapin? Bah, comment ça, mettre un coup de pied dedans? C'est pas vrai? Bah, ouais, donc du coup, je l'ai chopé et en fait, après, elle m'a étranglé. Donc après, je l'ai réétranglé et on a fini dans les buissons toutes les deux. Non, mais c'est quoi ça? Quelle vidéo, ça, Et Sabrina, elle a pas peur, hein? Attends, mais c'était une dame âgée, là, à quel âge? Elle avait l'âge de ma mère, je sais pas, peut-être 50 ans, quelque chose comme ça. Ah, oui, t'étrangles une dame de 50 ans, toi? Bah, t'as mon lapin qui a 6 mois. Ouais, attends, non, mais ouais, mais c'est pas la même chose, attends. Attends, et au final, t'as pas eu de problème, elle a pas porté plainte? Elle est partie, en fait, elle a voulu se faire un ITT, sauf qu'elle l'a pas eu. Et du coup, bah, une interruption de travail. Ouais, c'est ça. Ouais. Et au final, bah non, on est rentré à Bordeaux, on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Et t'as jamais payé?

tengo la pieza, oye. Oh yeah. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no es manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Guillaume, nous ici, on l'appelle Nénette. Nénette, arrête tes conneries tout de suite. C'est Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit sur Énergie. Allez, 22h à minuit, passez une bonne soirée les gars. I feel the sun, on est en direct sur Énergie, 22h minuit, Guillaume Radio 2.0. Il y a Aymeric qui est là au standard. Bonsoir Aymeric. Vous allez bien? Salut Guillaume, salut toute l'équipe. Salut, c'est qui papa? Ça va ou quoi, tranquille? Aymeric, 24 ans, du Chêne, c'est ça? Le 7-8. C'est bien ça, ouais. Eh bah, vas-y, sale bienvenue, poteau Aymeric, 24 ans, du Chêne. Merci, c'est gentil. On va faire un jeu du couple, alors. Ah. Jeu du couple, c'est souvent très violent. On fait ça tous les mardis. Bah, normal. Ouais. C'est notre jeu du mardi. L'un d'entre vous énerve sa meuf ou son mec. Et le but du jeu, c'est simple, vous appelez votre copine, vous faites comme si de rien n'était. Moi, je vais arriver derrière toi, je vais jouer la femme. Et à un moment donné, quand tu vas lui parler, tu vas dire ça va chérie, moi je vais faire viens dans le lit, viens me sucer le pied-pied. Voilà, histoire de voir jusqu'où elle est prête. Si elle va entendre des trucs, est-ce qu'elle va s'énerver? Toi, tu fais comme si t'étais tout seul. Ok. Sauf qu'à un moment donné, je vais dire mais vas-y, dis-lui que t'es pas tout seul, on s'en fout. Et bah là, tu diras que c'est ton ex qui s'appelle Tiffany, c'est ça? Ça, ouais, énorme, très bien. Et là, on appelle ta meuf qui s'appelle Aileen. Vous êtes ensemble Aileen. Et vous êtes ensemble depuis 2 ans et demi. C'est ça. Elle a 21 ans, t'en as 24. Et tu l'as rencontrée sur le tournage d'un film, il y a marqué sur l'affiche. Ah, c'est drôle. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire. On a un film en Bretagne, c'était Marie le Naufragé, il y avait Eric Cantona et tout. Et on s'est rencontrés en tant que figure, en fait, lors du tournage. Énorme. Ah, ouais, très bien. Ouais, ouais. Félicitations, mon con, vas-y. Tu fais quoi? Tu fais la figuration, tout ça? Ouais, un peu, ouais. C'est vrai, putain, ça défonce. Ah, c'est bien, quoi. C'est énorme. Eh bah, ouais. Félicitations. Avant de s'écouter tout à l'heure. Non, c'est pas ça. Attends, il est où le morceau de soprano là? Putain, ah, le dernier, il est bien. Ah ouais, il est bien le. Cordonnier. Eh oui, Cordonnier, exactement. Ah, je kiffe le refrain. C'est déjà, il adore. Ah, je suis fan, en vrai. Attends, il défonce. Il y en a qui ont demandé le nouveau Tal. On va se l'écouter. C'est le son d'humanité. Et soprano. Écoutez, en 2 secondes, la cordonnier. Mais d'abord, Aymeric, on fait le numéro de Aileen. Aileen. Et ben voilà, ça y est, ça sonne dès que ça répond, c'est à toi. Ok. Allô? Allô, Aileen? Oui, chérie, ça Allô va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bah, je suis dans la voiture, là, il y a Justine, elle est partie chercher les McDo. Du coup, je l'attends. Ah ouais? Et toi, tu fais quoi? Moi, je joue à un jeu avec des potes, là, tranquille. Ah, t'as ramené des potes, tu m'avais pas dit? Non, mais je joue en ligne. Ah, ok. Ouais. Back. Viens dans le lit, là. Ouais. T'es qui derrière? Non, mais c'est personne, là. Je te dis, on joue, là, sur le PC, là. Mais si, j'ai entendu ça quelqu'un. Non, mais ça doit être le chat de mon PC, je te dis. Ouais, c'est bizarre, quand même, hein. Arrête, putain, on sent pas les couilles. Non, mais j'arrive. C'est qui derrière, Aymeric? Attends. Non, mais. C'est une pote vite fait. Accroche. Aymeric, c'est qui derrière? Ça commence à me saouler, là. Mais non, mais c'est personne, t'inquiète. Il y a quelqu'un qui vient te dire viens dans mon lit. J'ai pas rêvé, je viens d'entendre. Il y a vraiment une voix de table, c'est énorme. Mais attends, mais Tiffany, attends. Mais c'est qui la fille derrière? Non mais t'inquiète, c'est... Non mais vas-y, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça commence à me saouler? Donne-la-moi, c'est qui? Non mais c'est personne, c'est Tiffany, t'inquiète, c'est... Tiffany... Attends... Mais non mais... Laquelle? Ton ex? Je t'attends sous la douche, là, dépêche-toi, putain, il fait froid... Mais attends, mais elle saoule là. Mais c'est quoi cette voix de grosse pute? Ah non, mais tu fous de ma gueule, t'as ramené ton ex dans notre appart. Mais non. Dans mon lit. Dis-lui, tu fous de ma gueule ou quoi? J'étais toute mouillée, elle me rafraîchit. Quoi? Je te jure, je vais rentrer, je vais. J'arrive, je te jure, j'arrive. Non, mais attends, je m'en fous, hé. Stupide. Mais c'est quoi cette voix de travesti? Oh mon dieu, mais vas-y, donne-la-moi. Donne-la-moi. Vas-y, donne-la-moi, moi, je m'énerve. Donne-la-moi, je te dis. Mais vas-y, je te parle, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu fous chez mon mec, toi? C'est toi qui as une voix de trave et poufiasse, va. D'où tu m'insultes? C'est toi la poufiasse, t'as pas honte de piquer le mec des autres? Bah non, tranquille, c'est une mais fois. Mais qu'est-ce que tu fous chez moi? Qu'est-ce que tu fous chez moi? Bah on est venu Ken, tu crois qu'on est... Qu'est-ce que tu fous chez moi? Bah on est venu... J'arrive, je vais te péter la gueule. J'arrive, je vais te casser la gueule. Tu crois qu'on est venu faire quoi, débile? Aileen? Mais je vais la buter. T'es une débile, toi. Je vais te buter, mais... t'es une grosse pute. Je me suis fait prendre le vrai sur ton coussin, c'est pas grave. Mais je crois pas, non, je crois pas, non. J'arrive avant que... J'avais les deux jambes en l'air il y a deux minutes sur ton lit. Mais t'es vraiment une belle salope, hein. Ah, ça m'a excité de voir tes photos, d'ailleurs. T'es vraiment une grosse pute. J'en ai rien à foutre, je serais parti quand t'arrives. Donne-moi Emric, j'ai pas envie de parler avec toi. Donne-moi mon mec. Donne-moi ton mec, c'est mon mec, déjà. Non, c'est pas ton mec, non. Ah bah si, je peux te dire... Qui, c'est... Mais ta gueule, donne-moi Emric. Qui c'est qui souce mieux, Emric? Quoi? Tiffany, ouais. Eh, hey, mais t'es vraiment un gros connard. Comment t'as pu me faire ça? Comment t'as pu me faire non, ça? Mais... Qui c'est qui a... Il y a pas longtemps. Dis-moi, depuis combien de temps est-ce que tu la revois, elle? Qui c'est qui est la meilleure avec son cul, Emric? Mais ta gueule, arrête de parler, qui toi! Qui c'est qui est la meilleure avec son cul? Ta gueule! Qui c'est qui est la meilleure avec son cul? Emric! Grosse pute! T'es vraiment un connard! T'es vraiment un connard! Emric! Ta gueule, toi, je te parle pas, donne-moi Emric! Je te parle pas, je suis sous le choc. Donne-moi Emric! Non mais Aileen, t'inquiète, c'est rien du tout, tu sais, c'était vite fait. Attends, elle est sympa, Tiffany. Chez nous, Emric. Qu'est-ce qu'elle fout dans notre appart? Mais on est venu baiser, je t'ai dit, c'est pas compliqué à comprendre. Ça fait combien de temps que tu la revois? Mais toi, tu comprends rien quand même. Emric, ça fait combien de temps que tu la revois? Elle est pas mal, Tiffany, j'ai craqué quoi, enfin. Attends, t'as craqué pour un ton comme elle, alors que moi je suis genre trop belle à côté de cette fille? Bah non, mais comme t'es cool, tu vois. Mais en plus, tu me disais qu'elle était grave moche, que c'était une grosse conne. Ouais, mais j'ai un bon cul. T'es resté 2 mois avec elle. T'es resté 2 mois avec elle, ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble. Qu'est-ce que tu me fais là? Bah, c'est parce qu'on a fait un plan à 3. Mais toi, ferme ta gueule déjà. Avec ma cousine. Attends, je vais te la présenter dans 2 minutes. Y'a ma coucou, y'a ma cousine. Y'a ma cousine. Emric, je te jure, t'es mort. On l'a sucé à deux. Je te jure, t'es mort. Mimi, qu'on l'a sucé. On a chacun sucé une couille, on a tiré vers l'extérieur. Comme il aime. Bah ouais, j'aime ça, moi, t'es Aileen. Toi, Emric, dis-moi que c'est une blague. Je t'en supplie. Bah, mais non, c'est vrai. Non, c'est une blague. Mais t'avais pas assez de ça, je préférais elle. Elle a un gros sein, un gros cul, voilà quoi, j'ai craqué, c'est tout. Je voulais faire un plan à toi avec ta cousine, elle est super bonne aussi. Ah oui? Moi, je suis meilleur que toi avec mon anus. Emric, je vais te tuer. Je te jure, sur ma vie, t'es un homme mort. Je te jure, sur ma vie, t'es mort. Quand tu me disais que t'avais aucun respect pour elle, tu mentais pas. Mais ta gueule, toi, pourquoi tu parles? T'as la voix tremblotante, Aileen, mes couilles. Mais toi, t'as la voix d'un travesti. T'as la voix d'un travesti, toi, pauvre conne. Et alors? Peut-être que j'en suis un. Ça m'énerve. Putain. T'es vraiment un connard. No stress, Aileen. J'en ai marre, là, je m'en fous. Emric. Oui. Je vais pas. Ça se fait pas. Non, ça se fait pas. Emric. Oui. Dis-lui on est, Emric, en vrai. La pauvre. Arrête, ça fait de la peine. Dis-lui on est, la chérie. Aileen. Oh non. Aileen, pleure pas. Ça se fait pas. Emric, dis-lui on est. Aileen, écoute-moi. C'est pas bien. C'est pour rire. Aileen, on est sur Énergie. On est bien chez Guillaume Radio 2.0. Non mais on est où là? Non mais c'est le zon chez vous là. C'est pas possible ça. De 22h à minuit sur Énergie. Aileen. préféré cette blague. Aïe, aïe. Aïe, aïe, c'est pas. Ah, je suis désolé, Aïline. Oh la honte. Non, mais ça se fait pas. Non, mais c'est Guillaume, là, on est en direct sur Énergie. C'est pour rigoler, mon chien. Salut. Mais vous êtes vraiment bête, vraiment. Oh la pauvre chérie. Non, mais t'inquiète pas, je pensais pas ce que je disais. Ah non, mais bien sûr, non plus. Il y a intérêt, il y a intérêt. Alors moi, je déteste. Je crois qu'en 6 ans ou 7 ans, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui pleure. Et on fait toujours attention à ce que ça ne pleure pas et ça dépasse pas les limites. Mais là, t'es parti d'un coup. Ah ouais, j'ai ouais, pas eu le temps de l'arrêter. Ah, t'y as cru. Et toi, quand tu pleures, c'est vraiment le. On comprend plus. C'est bon. Ah, mais t'inquiète. Mais t'inquiète, celui-là, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ouais, t'inquiète, il t'a pas trompé. Emmerich, enfin, il t'a pas trompé. Vraiment... Pas mais c'est qui qui parle là, la radio, en fait. Là, c'est Guillaume. Guillaume Play, Guillaume Radio 2.0. C'est toi qui faisais la fille. Oui, c'est moi, regarde. Ah, oui. Ça, on dirait une voix travestie, mon Dieu. Tu me rassures. Il y a Flo Descadeaux qui est là. Salut. Julien Stagiaire. Salut, désolé. Et là, il y a Sabrina. Oui, salut. Et JM du Standard. Ouais, salut. Il y a tout le monde, hein, pour désolé. Te dire. Voilà. Donc, c'était pour rire, ma chérie. Non, mais arrêtez vos blagues, sérieux. Ah, ouais, non, mais t'inquiète. Et tu trouvez votre truc. Ah, ouais, bah, tu vois, bah, ça marche bien, ça en fait, marche ça. Bien. Ah, c'était rigolo, quand même. Le problème, ah, c'est oui, qu'il y a, mais... y a une victime et un million de contents. Non, mais. On va t'envoyer un beau cadeau, ma chérie, pour nous excuser, d'accord? C'est gentil, merci. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Moi? Ouais. Mais me demandez pas ça, vous allez vous ruiner. Vas-y, vas-y, dis-nous pour l'instant. Non, moi, ce serait un voyage, en vrai. Eh ben, j'ai l'honneur de t'annoncer, ce soir, pour nous excuser de t'avoir fait pleurer... Non. Que nous te donnons le numéro de Thomas Cook Voyage. Mais si jamais tu veux réserver un voyage pour cet été, l'agence la plus proche. Merci, c'est gentil, ouais. Et tu pourras appeler Emeline au 0800 95. J'espère que tu es contente. Regarde, il y a Brian, 14 ans. Il y a Brian, 4 ans, pardon, qui a gagné un voyage. Salut Brian. Salut Guillaume, merci pour le voyage. Grâce à Thomas Cook et toi, on est parti en vacances aux Seychelles. Bah, tu vois, il y a que des gens contents. Il y a aussi Monique, 58 ans, qui est très contente d'être partie en voyage. Bah écoutez, merci beaucoup à Guillaume et Thomas Cook qu'on a pu partir au Canada, au Québec avec mon concubine. Et enfin, n'importe nous allons retrouver Astrid. Astrid, 38 ans, infirmière généraliste, vient de gagner aussi un voyage. Oui, bonsoir, je suis une femme mature, j'ai 38 ans, je m'appelle Astrid et j'ai gagné un voyage à New York avec mon mari. Merci beaucoup, Guillaume. N'importe quoi. Tu as des gens contents, Eline. Ah ouais, ça marche. Ah oui, moi aussi, merci beaucoup, Guillaume. Ah, eh ben voilà, il pleure plus. Allez, tu raccroches pas, je te reprends en rotelle et je t'envoie le cadeau, d'accord, Eline? Ah, merci beaucoup, je te fais un gros bisou. On va regarder ce qu'on peut te faire. Je t'envoie un très gros bisou. Bisous à Eline. Hey, tu veux faire une dédicace, Emmerich, ou pas, du chêné? Ouais, dédicace, bah, du coup, à ma chérie Eline qui a subi tout ça. Et Antoine, Francis, mes potes de Bretagne, et voilà. Ah bah tu pourrais lui dire que tu l'aimes. Ah moi aussi j'ai une dédicace. Ah oui, je t'aime. Ah, je voilà. T'aime à Aïdé. Ah c'est beau. Voilà, très bien. Moi aussi je t'aime mon chéri. Oh. Tu veux faire ta dédicace, Eline? Oui, juste à mon chéri, je t'aime fort. Eh bah très bien. Ils sont mignons. Eh bah plein de dédicaces. Emmerich, tu raccroches pas, je te reprends en antenne tout de suite, d'accord? Ok, ça marche. Allez, et on est là, on sort jusqu'à minuit sur Énergie, c'est Guillaume Radio 2.0. Écoutez après, si ça, 23h08, on est là avec, on sait se faire... Allez, on se fait dans deux minutes, tablette Samsung, overboard, montre connectée Samsung et PS4 aussi. On file tout ça. T'es sûr qu'il reste des mondes connectés? Ouais, ah oui, parce qu'hier on a changé. Les Gear S2. Ah ouais, exactement. Okay. Il y en avait qu'une, mais hier finalement là, ouais. Il voulait la tablette et tout. On lui a fait. Bonsoir à toi, salut. Flo des cadeaux, il a été élevé au croustibat. Salut Marseille. Parce que Flo des cadeaux disait avant qu'il mangeait pas de fruits de mer non, et non, tout. C'est juste que j'aime pas. Moi j'ai eu un boulot en intérim où il fallait branler les dindons avec un gant spécial pour récupérer les sperme pour les inséminations. Ah c'était ouais assez dégueu, mais on s'est bien marré. Salut Isa. Ah, t'as pas le choix. C'est original. Putain, branler des dindons, c'est quand même. Ah ouais. Ah putain. Sur ton CV. C'est chaud. Ah ouais, c'est bizarre. Hein. Mon frère a fait livreur de pizza. Il a niqué le scout en faisant des roues arrière. Ah oui. Il a cherché là aussi. Salut les gars. bonsoir à toi. Et il est énorme. Il y a un message pour Aude, notre nouvelle stagiaire. salut Aude, ça te dit plan cul et après on boit un verre pour voir si pousse, si affinité. Ils sont poétiques. poétique. Ah, il y en a un poétique si tu veux. Ouais. Aude, tu es magnifique et ta voix est envoûtante. Ah, c'est bien, PS, je te déboîte la chatte. Ah, non. Il est arrivé, je vous jure. Ça commençait bien, mais. Ouais. Il est arrivé, t'as l'air. Salut, dédicace au collège Astignan dans le 33. Bonsoir à toi. Oh, je me branle sur ces snaps. Elle est trop bonne. Non, les gars. C'est parti. C'est la guerre. On parlait des boulots d'été. On va continuer de parler des boulots d'été. On se fait Jason Derulo, soit là. Et juste après, Victor va lâcher les lignes. Tu m'entends, Victor, et on parle de sexe. Avec plaisir. Salut, Léon, c'est qui, papa? Salut, quoi, Victor? Eh, tu bouges pas, je te reprends après, d'accord, frérot? Ok, pas de problème. Vas-y, on dirait de chez à tous, c'est avec plaisir. C'est de suite, Evelyne, on farce. On en parle juste après. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla, la, la. Drink. Swalla, la, la. Swalla, la, la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla, la, la. Drink. Swalla, la, la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow, la, la. Bust down on my wrist, ain't it, bitch? My pinky ring bigger than this. Push it back it up, put it on the top. Push it, drop it low, put it on the ground. DJ, pop it, she gon' swallow that. Champagne. Shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla, la, la. Drink, swalla, la, la. Swalla, la, la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla, la, la. Drink, swalla, la, la. That's all a nothing word to the Dalai Lama. He know I'm a fashion killer. Word to John Galliano. He cupping that Valentino. Ain't no telling me no. I'm that bitch that he know. Like how your wife in these thoughts. You don't get wins for that. I'm having another good year. We don't get blimps for that. This the gang still cold. We don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave these bitches 2 years. Now your time's up. Bless her heart. She throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude did LeBron nuts. Come on, take a seat, 'cause you know what I'm saying. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Avec vous tous les soirs. C'est Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit sur Énergie. Alors, bonne soirée les gars. Et c'est véridique, hein, ce qui vient de se passer. Je suis allé au bout du couloir. Je suis allé au bout du couloir, hein, pendant le morceau. Et je suis allé chercher un café parce que la machine à café vient d'être installée à Énergie, une nouvelle. Et c'est gratuit pendant 2 jours. Mais autant, c'est cool, franchement. Autant vous dire que j'ai jamais vu autant de café devant un stagiaire. Ah, moi je profite, j'abuse. Hein, mais c'est abusé. C'est overdose le mec de n'aime café. Pas ça, il ah ne ouais. boit pas. Du chocolat, du thé, tout et ça. Là, ah non, ouais. mais là, il, à chaque fois, tous les 5 minutes, il va dehors et il se ramène un gobelet. En vrai, j'ai mal au ventre. Hein. mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est gratuit. Donc mais vous pouvez croire que c'est pour le show et tout. Non, c'est vraiment. C'est en off. Ah, je chiffre tout seul là. Mais moi, je l'ai dit, quoi. Je l'ai dit avant, mais mec, t'en bois trop, quoi. Bah, ça change, ouais. Et donc, je vais chercher un café il y a 2 secondes. Mon petit café du soir, comme d'habitude. Voilà. Tranquille. Et gratuit ou pas, hein, je précise, voilà, j'y vais tout le temps. Et là, devant. Aude, la nouvelle stagiaire mérite une bonne éjecte faciale avec respect, bien sûr. Non, mais n'importe quoi. De plus en plus loin. Ça y est. C'est clair. Attends. Non, respectez-la, c'est un petit oiseau. Mais oui, un petit oiseau. Ouais, attends, non, mais les gars, en fait, ils font des phrases, mais salaces, quoi. Et mais puis sales, tu les libres, c'est en comme plus, ça, c'est de pire en pire. On va se faire dans 2 minutes. L'énigme, je vous file des cadeaux. Mais juste pour vous dire, Victor, toi, est-ce qu'il y a un artiste dont tu es fan vraiment en ce moment? En ce moment, en fait, j'aime bien Michael Jackson, en fait. Ouais, Michael Jackson, ouais. En ce moment, ouais. C'est pas l'artiste du moment, Michael Jackson. C'est l'artiste du siècle. Bah oui, c'est la légende. Non, non, l'artiste du moment, genre qui joue à la radio. J'aime bien Fianso. Ouais, ok. Avec mon petit loup. Ouais, voilà, ouais, je mets tout le temps, ouais. Mon petit loup, mon petit loup. Ok, très bien, Fianso. Ok, alors là, j'ai récupéré, pour vous dire, parce qu'à côté de la machine à café, mes patrons, ils ont reçu des disques d'or. Des disques d'or, c'est quand tu dépasses un nombre de ventes, t'as un disque d'or. C'est encadré, un disque de platine ou quoi. C'est une sorte de tableau qui est encadré avec des photos de l'artiste et tout. On a reçu le disque d'or de Katy Perry. Ah, c'est stylé, franchement. On a le disque d'or de l'artiste, de Soprano, de Kinvé, de Makassi, de Luan, de Tal. Il y a tout, le monde. De Ritza, tiens, Ritza. Ah ouais. Voilà. Ah, je l'avais pas vu. Alonso, voilà, ceux qui sont avenus, voilà. Hop, bah, très bien. Alors, je vous propose un truc. On le fait en direct. Aude, la nouvelle stagiaire, si tu veux bien te mettre au micro. C'est toi qui as mon portable avec Twitter. Ouais, je l'ai là. Ok, elle vient de prendre en photo à l'instant. Elle vient de prendre en photo le disque d'or de Kinvé. Mm. Vous allez, je le fais gagner sur Twitter maintenant. Ah, c'est cool. Vous allez me retweeter. Parmi les retweets, je choisirai un mec à la fin de l'émission, dans 45 minutes. On vous demandera en message privé votre numéro de téléphone, donc restez bien connectés. Et venez me retweeter tout de suite. Guillaume Play, P-L-E-Y, on le met tout de suite. Et je vais enfiler un à l'antenne, pour ceux qui n'ont pas Twitter. Le disque d'or, tiens, j'ai attrapé celui de Ritza, qui vient d'arriver. Ouais, il est bien en plus. Voilà, tranquille, le disque d'or. Il est joli, le disque d'or. Il y a un CD dedans, en plus. Il marche pas, le CD dedans. Si, il marche, bien sûr. Genre tu casses le c'était une question que j'avais vue l'autre jour, bien sûr, mais t'as un vrai CD. Je crois que c'est de la couille, moi. Mais qui est doré, mais c'est un CD énorme. Qui fonctionne. Ça sert à rien parce qu'en fait, au final, tu vas pas casser le tableau. Bah, je savais pas. Donc je vous file le disque d'or de Ritza. Pour ceux qui le veulent, vous m'envoyez Guillaume, un espace, Ritza, R-I-D-S-A, avec votre numéro au 612. Guillaume, pour qu'il arrive dans mon studio, Ritza, votre numéro au 612. Flo des cadeaux, tu vas prendre un numéro. Ouais. Et on va appeler en direct pour vous filer le disque d'or de Ritza. Et je vous file celui de Kinvé sur Twitter. Ils sont grands. Salut à toi, j'ai un stagiaire. Tout Marseille te casse en deux pendant que tu suis sixième du standard. Attendez, pourquoi vous êtes si trash ce soir? Moi je suis gentil. Non, mais c'est vrai, non? Moi je viens faire l'émission tranquillement. Ça t'a choqué, la nouvelle stagiaire? De quoi? Les messages qui viennent d'arriver sur toi là. Ah, okay. Sur moi, bah ils font pareil sur YouTube en vrai. Donc, oui, c'est vrai. La mission de vidéo YouTube, est-ce que c'est vrai? Sabrina, je te kiffe. Je m'appelle Johan, 32 ans, brun aux yeux verts. Ah, 1m75, à bonheur d'entendre ta voix chaque soir. Gros bisous, petit ange, Johan de Tours. Voilà. C'est gentil. Il y a plus de respect dans les messages pour Sabrina. Ouais, pourquoi d'ailleurs? Petite dédicace, parce qu'il y a des filles qui méritent le respect. Non, fais pas partie, Aude. Non, mais c'est pour rire, bien sûr. On attire ce qu'on mérite. Mais c'est pour rigoler. Elle est toute mignonne, on pose pas du tout. Alors, il y a des messages tellement sales qui arrivent. Guillaume, et votre message aussi, 112. Salut, Sabrina et Aude sont des petits diamants, les deux filles de l'équipe. Julien Stagiaire aussi est un diamant qu'il faut polir avec sa tonne. Je suis un diamant brut. J'aime le standard. Ouais, en fait, j'ai son ordi devant moi ce soir et il n'y a plus internet. Est-ce que tu veux bien me le rallumer? Ouais. Il faut quoi? Il faut juste couper le wifi. Ouais, c'est ça, et le remettre en haut à droite là. Voilà. Ça fait 5 ans qu'il a, il m'a jamais expliqué. Ah bah, c'est parce que t'as le même ordi. C'était pour se rendre indispensable. Pour que je l'appelle en cas de galère. Et en théorie, ça repart, ouais, c'est direct, ça. Ouais. Ouais. Ah bah, direct. Bah non. Il y a un bug de connexion. Là, tu fais connexion. Ah, tu crois? Ok, très bien. C'est pour voir vos SMS. Guillaume et le message aussi, 112. Alors, allez-y. Guillaume, un espace, Ritza, avec votre numéro de téléphone dedans, au 6-11-12. Ah, ça y est, ça marche. Ça y est, ça marche. Ah. Voilà, c'est bon. Moi, je le veux, le disque d'or. Allez-y. Hein. Guillaume, un espace, et Ritza, avec votre numéro au 6-11-12. On fait un tirage au sort dans 5 secondes. Là. Allez-y maintenant. Bonne chance. Et disque d'or, les gars, c'est des choses, il faut que vous sachiez. C'est énorme, quand qui même. Qui sont les plus précieux, bah, les oui. précieuses pour les artistes. Ça ne s'achète pas. Un disque d'or, c'est un trophée. Ce trophée, c'est comme si je vous offrais la Ligue des Champions, la Coupe du Monde. Oh. Voilà, c'est un cadeau qui ne s'achète pas. C'est vraiment le truc le plus important. Ce matin, j'ai tué un pigeon qui me réveillait le matin. Vous avez déjà tué des animaux. Salut à toi. Si tu veux laisser ton numéro de téléphone, on va t'appeler avec plaisir. Hein. C'est pas le premier à avoir tué un pigeon, Flo des cadeaux. Ouais, ouais, on sent le mec des villes. Excuse-moi. Enfin, je peux te dire qu'à la campagne, t'as un fusil, t'as un pigeon. Moi, mon grand-père, il est bouffé les pigeons. Tu leur fais jouer. Mais bien sûr, il avait une 22 lorée, un fusil. Ouais, bien sûr. Les campagnes, tout le monde les bouffe. bouffe. Un pigeon frit. Bien sûr. Moi, j'ai, oui. Mais dans ma famille, ça bouffe du pigeon. Mais c'est un mets dans les gastronomies qu'il y a du pigeon. C'est comme la caille, c'est vachement tendre le pigeon. Attends. Mais il a raison. Je sais. J'ai un bon palais, moi. Et donc, en fait, si le matin, il en a un dans son jardin depuis 10 ans, pigeon. Bon. Ah ouais. Voilà. Et donc, je vous rappelle, c'est le gros pays de chasse au monde, la France. Le mec qui va aller contre le lobby des chasseurs, il est pané. C'est comme la pêche. Bien sûr. Mais chasseurs, chasse et pêche, bien sûr. Bah voilà. C'est la plus vieille émission de télé en France. On aime ça en France. Et après, il y a Fort Boyard. Bah voilà. Chasse et pêche, mon gars. La nature, en fait. Bah ouais. Et il y a Thalassa sur France 3 aussi. Ah, c'est vrai, ça. Qui est extrêmement vieux. Voilà. Et c'est que les trucs qui parlent de nature et tout. Oh, t'as la peau douce, comment un cul de bébé joli. Non, mais attends, c'est mignon, ça. Bah oui. Faudrait faire une rafale sur Aude, en fait. Un compliment. Aude, c'est la plus belle fille que j'ai jamais vue. Ah, c'est gentil, merci. Bah attends, je lis pas la deuxième partie des textos. Parce que ça dit quoi, après? Aude est jolie comme une fleur, il faut la polliniser. C'est poétique. Tiens bon, Aude, PS, t'es trop belle. Aude, la pucette, t'inquiète pas, je t'apprécie aussi. Bisionne de Tours. Bâtard. C'est vraiment des putes. Ils sont méchants, franchement. Ah ouais, mais c'est tellement marrant. Alors, on va se faire dans deux minutes le plaisir anal. Moi, j'aimerais qu'on parle de ça. On avait commencé le sujet il y a quelques jours. Il faut en parler. Et le plaisir du cul, on n'en a pas trop reparlé. C'était l'un d'entre vous. Est-ce que Sabrina, tu veux bien me remettre? Bien sûr, ouais. Merci beaucoup. Celui qui était passé la première fois, qui avait expliqué qu'il aimait bien s'il avait essayé de se mettre un doigt dans les fesses. Il y avait trouvé beaucoup de bonheur et de gaieté. Ouais, bah ouais. C'est marrant le décalage entre les mots. Entre les mots, tu sais qu'on va partir dans le crade et on est encore très propre. Et donc voilà, on va en parler dans deux minutes. Juste avant, Thibaut voulait réagir. Avant qu'on donne l'énigme avec Victor. Tu peux rester avec nous, Victor, une minute. Ouais, pas de problème. On va lâcher l'énigme pour vous filer des cadeaux. Mais d'abord, Thibaut, on parlait des jobs d'été. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu m'entends, Thibaut, 22 ans là? Ouais. Ça va, frérot? T'appelles ouais, de. Vous allez bien? T'es à côté du Havre, hein, c'est ça? Hein. C'est ça, ouais. Alors, tu fais quoi dans la vie, toi? Alors, moi, j'ai fini mon BTS, je vais entamer licence pro et cet été, je suis livreur de pizza. Ok, vas-y. Chez qui tu bosses en livreur? Ah, j'ai pas donné le nom de la pizzeria, mais c'est une pizzeria dans le coin. D'accord. Ah oui, c'est pas un truc très connu, c'est pas une chaîne. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Alors, vas-y, explique un peu ce qui t'est arrivé. Une histoire marrante avec un boulot d'été, donc toi, c'est livreur de pizza. Voilà, donc il est 8h, il y a mon patron qui me dit va livrer là-bas. Donc première livraison, je vais dans un bled paumé. La meuf m'ouvre et elle était en petite tenue, genre culotte, soutif, pas de soucis, tu vois. Ouais, elle est chaude. Elle me fait rentrer dans la maison pour payer. Et pendant qu'elle fait son chèque, elle me dit vous savez, il fait chaud, vous avez pas trop chaud vous? Et a commencé à me faire du rentre-dedans pendant 5 minutes. Mais elle était jolie ou pas? Parce que ça, t'as pas dit, là. Ouais. Ah ouais, magnifique. Elle avait 25-26 ans, magnifique. Non. Ah, t'as eu du cul, mec. Elle te dit, vous, c'est vrai? C'est un traquenard, peut-être. Ouais, c'est attention. Vrai. J'ai du mal à y croire, Thibaut. Il y a son mec qui attend derrière. Non, mais après, il y a des filles grave open. Hein. Entreprenante aussi. Sabrina, t'as déjà Ken avec un livreur de pizza? Non, mais. Un inconnu? Non, mais ça aurait pu arriver, tu vois, dans une. Bah ouais. Moi, j'ai déjà eu des trucs sexuels un peu originaux. C'est un fantasme aussi. Pour les femmes, peut-être. Ouais. De faire. Est-ce que ça serait un fantasme, toi, Sabrina? Faire l'amour à un inconnu. Vraiment, il frappe à la porte, tu le connais pas. Bon, il faut qu'il te plaise, bien sûr, mais il arrive et bim, bam, boum. Bah, je l'ai déjà un peu fait. Donc. Avec le livreur de journaux, le livreur Le Pont de la Poste, UPS, le livreur d'eau. Allez, vous bougez pas, 30 secondes, on en parle. Le plaisir anal et qu'on a déjà tiré un coup avec une personne qu'on connaissait pas. On se fait l'énigme juste après ça. Si vous ne demandez pas, vous ne pouvez pas gagner. Vous êtes le fugitif énergie? C'est vous le fugitif énergie? Vous êtes le fugitif énergie? Un fugitif. Une question. Trouvez-le. Posez-lui la question. Et gagnez. Et gagnez. Et gagnez. Jusqu'à 50 000 euros. Téléchargez l'appli Le Fugitif Énergie et demain matin à 6h30, 7h30 et 8h30, Manu dans le 6-9 sur Énergie vous donne des indices pour le découvrir. Le Fugitif Énergie, partout en France. Vous le trouvez, vous gagnez jusqu'à 50 000 euros. La momie, qui est-elle? Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais c'est resté bien caché pendant 2000 ans. Enfermée dans son tombeau depuis des siècles, malheur qui viendra troubler son sommeil éternel. Elle vient réclamer ce qu'on lui a refusé. La momie, avec Tom Cruise et Russell Crowe. L'aventure rejoint la légende, le 14 juin au cinéma, avec Énergie. Gagnez sur Énergie des iPads pour la sortie du film 50 nuances plus sombres en Blu-ray et DVD. Vous voulez devenir une femme entretenue? Echo est de 19h à 22h sur Énergie. Et vous gagnerez sur Énergie votre iPad et le film 50 nuances plus sombres. 50 nuances plus sombres. Disponible en Blu-ray et DVD. Énergie, it's music only. T'as tout essayé. Les sites, les applis ne t'ont rapporté que des galères. Des lapins ? Dispo au 63602. Ne cherche plus et reviens au plus simple. Envoie Dispo, D-I-S-P-O, au 63602 et rencontre des centaines de personnes par SMS pour qui le réel vaut mieux que le virtuel. Dispo au 63602. C'est simple, authentique. Pour enfin trouver l'amour, envoie Dispo au 63602. Dispo au 63602. 50 centimes plus prix du SMS, INRJ. Énergie. Passionate from miles away. Passive with the things you say. It music only. Tous les soirs. C'est Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit sur Énergie. Allez, sur Énergie, bonne soirée les gars. Le god de GM Stagiaire, c'est la bite de GM du standard. Ah, mais les gars, c'est dégueulasse, c'est la soirée. Arrêtez, mon message là, putain. Ah, sérieux. Non, ça n'a aucun sens, vraiment. On est en direct, c'est Guillaume Radio 2.0. Je m'appelle Guillaume, si on est d'arriver, il y a du foot. GM Stagiaire suit le match France-Angleterre. Et c'est fini, la France a battu l'Angleterre 3-2, voilà, en amical. Et voilà, bravo la France. Bien, bravo, allez les bleus. Bravo. Et 3-2 ce soir, du coup, c'est plaisir. Ouais. But de qui pour finir? Dembélé, Sidibé, Umtiti, voilà. 3 buts. Ouais. Au début, c'était 2-2, on a eu peur. Exact. Et voilà. Sabrina, tu es un bijou, voilà, Lucas. Ah, c'est il y a beaucoup de messages pour les filles de l'équipe ce soir, je peux dire. Alors, il y a Sabrina, et puis il y a Aude, notre nouvelle stagiaire, qu'on a mis au micro un peu ce soir et tout, donc c'est très marrant. Parce que et donc. Elle mange un peu. Elle ramasse un peu, quoi. Ce sont des pucelages dans tous les sens, là, vraiment. Mais c'est marrant. Alors, il y a Thibaut qui a 22 ans de Manville, une histoire marrante avec un job d'été, on en parlait juste avant. Toi, livreur de pizza, t'es arrivé chez une cliente, elle était en petite tenue, tu disais, Thibaut. Ouais, c'est ça, vraiment une petite tenue, tu vois. Mais c'est vrai ton histoire, c'est une couille, sincèrement. Maintenant t'es passé, tu peux nous le dire. Ah non, non, c'est vraiment vrai, tu vois. Bon, après, elle a peut-être pas 26 ans, je dirais peut-être plus de la trentaine, mais franchement, elle était belle. Hein. Ouais. Ah ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas dit, alors, et t'as chauffé, t'es en sous-vêtements, et qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah déjà, j'étais ultra gêné, tu vois, parce que je m'étais jamais fait rentrer dedans comme ça, tu vois. Ouais. Et elle voulait que je reste, tu vois, mais j'avais 4 livraisons, donc je me suis barré. Oh non. Non, mais t'aurais pu prendre son numéro et dire bah après, je livre 3 pizzas, ça dure 12 minutes et je reviens, toi. Bah ouais. Ouais, non, c'est chaud, hein. Et je te mets l'olive qui manque sur la table. Non, mais non, mais ça, c'est pas je rigole, non, mais toi, tu peux y trouver. Je suis pas Julien Stagiaire. Moi, j'y serais allé, mec. J'aime du standard, je suis Paris, vu qu'il a été livreur depuis des ouais. Vas-y. Normalement, le numéro, tu l'as déjà. Quand t'arrives chez la personne, t'as le numéro. Oui, le numéro, tu l'as déjà, ouais. Ouais, mais alors pourquoi tu l'as pas appelé après ou quoi? Je sais pas, après. J'ai pas envie de l'appeler, j'étais calmé. Ouais. Ah, t'as eu peur. Ah, non, c'est impossible. Ah, c'est une couille, Thibaut. Oui. Non, c'est vrai. Non, franchement, c'est vrai, y'a pas de soucis. Hein. Non, mais pourquoi tu la rappelles pas, la meuf, si elle est belle et qu'elle chauffe? Je comprends pas le dos là. Ou alors t'as une meuf? Oui, non, mais j'ai une meuf, oui, je suis calmé, ouais. Non, mais là il a. Ouais. Là, tu lui as donné la paire, je pense. Ah à merde, ça, bah, oui, je suis non, con. Non, mais je l'ai dit avant, ouais, j'avais une meuf à ce moment-là. Ouais. J'ai toujours tu d'ailleurs. 10 minutes. Bah, c'est clair. En fait, tu prends 10 minutes, t'es célibataire, après t'es re en couple. Voilà. Tu mets une parenthèse, travail. Une pause. Sabrina, tu disais, t'as déjà pris un shoot d'un mec que tu connaissais pas 2 secondes avant. Mais oui, carrément. Bah, même des fois, un livreur, une fois, j'ai chauffé un livreur. Non, je te crois pas. Ah, mais si. Bah, si. Parce qu'il était pas mal et tout, c'était un grand black. Un livreur de quoi? Un livreur de pizza. Elle est très grand black, hein, Sabrina. Ouais. Ouais. Sabrina, elle adore ça. Et donc, alors, un livreur de pizza, et alors? Et du coup, bah, on a parlé 5 minutes, mais il était pressé et tout ça. Et du coup, j'ai pris son numéro. Et on s'est revus quelques temps après et on a couché ensemble. C'est vrai? Ouais. Putain, c'est marrant, quoi. Bah oui, il me plaisait. Et après, lui aussi, je pense que je lui plaisais. Ah, donc ouais. Voilà, on n'a qu'une vie. C'est vrai, là, t'as raison. Ouais. Ah ouais. Et c'était bon, la cartouche de pizza? Ah bah franchement, ouais. Non, c'est vrai. Ah, c'est j'aurais vrai bien pris un supplément. Non, ah, c'est vrai. Elle est énorme. Ah ouais. Je recommande une pizza, elle est comme ça. Ah, du coup, je mange que des pizzas depuis 6 mois. Allez, on se reçoit Soprano après. Et venez nous retrouver les gars, on a mis une vidéo tout à l'heure, ne pas mettre au micro-ondes un paquet de chips. Ouais. Vous êtes très nombreux, vous êtes déjà 55 000 à avoir vu la vidéo. Merci, c'est merci cool. Sur la chaîne, merci beaucoup les gars. C'est sur la deuxième chaîne YouTube qu'on a faite qui s'appelle Gameplay, G-A-M-E-P-L-E-Y. Merci à vous tous d'arriver en masse et tout, ça fait plaisir. Prenez les vidéos, venez vous abonner. On est combien d'abonnés, Gestagira, tu sais ou pas? Non, je sais pas, non, j'ai pas internet. À peu près de tête. 210, non 206. Ah, non. 205 934. Gestagira, ah ouais. Les chiffres, c'est compliqué. Bah, j'ai... Ouais. 105 934 d'entre vous, les gars, c'est énorme. En 2 mois, franchement, ça nous fait super plaisir que vous merci soyez autant. Une chaîne YouTube, maintenant, on la prend vraiment à cœur. On fait 2 vidéos par semaine, tous les mardis et tous les samedis. J'en ai mis une du coup aujourd'hui. Ouais. On a fait 10 millions de vues en 2 mois quand même. Ah, c'est cool, franchement. On a passé la barre des 10 millions c'est de énorme vues. Attends, tu te rends compte? Bravo. Attends, c'est petit ah, franchement, ouais. Ouais, ça fait super plaisir, les gars. Merci beaucoup à tout le monde. J'aimerais que tu lises mon message. Voilà, bah, il y a juste ça. Donc, je veux bien lire, mon frère, mais faut que tu mettes du contenu dedans si tu veux, là. D'ailleurs, merci Aude, la nouvelle stagiaire. Franchement, je l'aime bien. Continuer voilà de faire des vidéos YouTube avec elle. Elle est belle. Voilà. Ah, merci. Ah. Voilà, donc c'est elle que vous entendez. Enfin un compliment. Mais non, il n'y a que des compliments. Bah oui, oui. Ouais, et, non, mais quand il y en a un qui dit, par exemple, le message juste après, Mika qui dit oh, tu es magnifique, PS, je me suis branlé comme un fou sur ton cul. Oh, c'est un compliment. Bah, c'est un compliment. Oui, oui, non, mais d'accord. Ça mais c'est juste une formulation. Oui. Je te défonce la boîte à Ben Croix. Non, non, à l'ancienne. Non, non, non, non, Mika. Est une petite, Aude est une petite femme et une petite perle, Baptiste des Transports Transcal. Ah, merci, c'est gentil. Il y a Sabrina, moi, si tu couches avec moi, je te paye un kebab, petit œuf de Agde. Voilà. Bah, merci. Sabrina, comme on n'a qu'une vie, bah, viens dans ma cabine, ça lui mène le rouge. Je fais une sélection quand même. Guillaume, on n'a qu'une vie. Je bouffe tout, Guillaume. Sur mon Twitter, j'offre, on a normalement mis, tu l'as mise, hein, Aude. Ouais, c'est ouais, tu l'as mise sur mon Twitter. C'est fait, ouais. On a mis la photo de. Alors, elle est où? Je la vois pas. Voilà, la photo, du disque d'or de Kinvé. Vous allez retweeter le disque d'or de Kinvé. On fait un tirage au sort non pas ce soir, mais demain. Ouais. Genre, vous êtes hyper nombreux. Je vais retweeter avec énergie aussi. Vous retweetez ce tweet et demain soir, on fera un tirage au sort parmi tous ceux qui ont retweeté. Et je vous filerai le disque d'or de Kinvé. C'est quelque chose qui ne s'achète pas. C'est vraiment un cadeau qu'il a reçu et qu'on a appris dans le bureau de mon patron. Voilà, pour vous expliquer un petit peu le dos. On a vraiment volé le truc, etc. Je vous le file maintenant sur énergie, vraiment dans deux minutes. Ok. Salut Guillaume, Aude est jolie comme une fleur de hein. La ouais, pizza préférée de Sabrina, c'est la pizza au boudin entier, masse crème fraîche. Dans ta gueule, jazz. Putain, mais vous êtes chaud, ah, les gars, si vous arrivez. Ah, c'est encore là. Salut Gaëtan de salut Gaëtan le créole, et ben salut Gaëtan le créole. Et ben je sais pas s'il voudra de ton boudin entier comme tu dis Gaëtan le créole, mais je transmets à Sabrina la nouvelle. Ouais écoute. Ouais. Aude est une perle. Ah. Je l'enfilerai bien. Oh. Non. Et que des messages. Ah, la suite du message. Mais tout bien joué. Suite. Allez, on va se faire l'énigme. Excuse-moi mon Victor, excuse-moi frérot. Pas de problème. Non mais c'est parce qu'en fait Sabrina elle a raconté qu'elle est couchée avec un livreur de pizza, voilà. Et puis, ouais. Ouais. Est-ce que vous êtes déjà couché avec quelqu'un que vous connaissiez pas, JM du standard, quelqu'un que tu connaissais pas 30 secondes avant? Ouais ouais, quasiment. Ouais. C'était une meuf en soirée, tu vois. C'était en Espagne, je l'ai rencontrée, j'ai dit allez viens on va sur la plage et ça s'est fait direct. Ouais. Ouais. Bah, et alors? Et au final c'était nul. Ah, c'est vrai. Ouais, ouais c'était pourri. Ouais. Au de la nouvelle stagiaire, ça t'est déjà arrivé un truc que tu connaissais pas 30 secondes avant? Ça peut ne pas t'être arrivé. Si hein, si, si si. Bah quand j'étais en club de vacances, mais pareil, enfin j'y suis pas allée, il m'intéressait pas du tout. Ah donc ouais, ah donc t'as pas couché avec lui? Non non, j'ai pas fait, mais il m'a draguée et tout, mais j'y suis pas allée. Ouais bon, il y a une histoire vide hein, du coup. Ah ouais. Je me suis fait draguer. T'es une nana de 18 ans, tu t'es fait draguer, voilà bon. Il a dit bonsoir. Non mais je le connaissais en plus. Et pourquoi t'y es pas allé? Bah il m'intéressait pas. Ah, il était pas beau. Ouais. C'était pas mon style quoi. J'ai un stagiaire, elle est une putain de prison avec son froc de 2 mètres et sa gueule fuselée de l'émirienne sur les 4. Mais... Je vous connais pas, pourquoi il parle comme ça? Mais non, les mecs, mais je comprends pas cet acharnement ce soir. Il y a que des messages méchants sur les mondes de l'équipe. Ah, franchement, calmez-vous. Non, mais hein, après, salut va. Guillaume, je suis livreur de pizza. Je connais pas Sabrina. Je suis pas black, donc j'ai 2 critères sur 3. Ah. J'ai une chance avec Sabrina. Salut à toi. Salut. Tu n'as pas couché qu'avec des blacks, Sabrina? Pardon, elle est au téléphone, ouais. Elle est en train de prendre un appel. Et est-ce que t'as couché qu'avec des blacks dans ta vie ou pas? Hop là. Ouais. T'as couché qu'avec des blacks ou pas? Que tu m'as dit? Oui. Non, non, non, non, non. J'aime bien, mais ouais, j'ai fait toutes les communautés. Ouais, d'accord. C'est la Coupe du Monde. Et la meuf, c'est les Jeux Olympiques. On va l'appeler l'Eurovision. J'ai fait toutes les communautés. Et c'est bon, c'est pas la Ligue des droits de l'homme ici. T'as le droit de pas t'être tapé un. C'est vrai? Tu t'es déjà fait ken par un Asiat? Alors justement, j'allais dire sauf les Asiates, j'ai jamais fait. Sauf les Asiates, Afrique, t'as fait. Afrique, Latino. J'ai fait. Latino, j'ai fait. Américain, j'ai fait. C'est vrai? Ouais, ouais, j'en ai fait pas mal. Putain, bien. Putain, c'est bon. Allemand? Non. Italien, ah non, tu vois. Italien? Italien, ouais. Espagnol? Ouais. Ah putain, il y a toute l'Europe. Ouais. Ouais. On va l'appeler G7. Salut à toi. Aude, je ne suis ni noir ni un homme, mais j'aimerais bien avoir mon douceur avec toi. Ah bah Aude, c'est pas elle qui aime bien. Enfin, c'est Sabrina qui parle. Ouais. Sabrina et donc des femmes. Merci beaucoup les messages. Alors non, moi je prendrais bien Aude en trio avec la sœur de JM. Non, non, ça. Non. Non, non. Non, non, là, vraiment. Attends, rigole pas parce qu'il a dit la sœur de Julien et de Julien. Non, le SMS. Bâtard, ouais, j'avoue, moi, c'est moins drôle. Là, c'est moins rigolo. Ah ouais, ouais. C'est nul ça, ouais. Salut Sabrina, je suis asiatique, si tu veux, t'auras fait le tour du monde. Bah voilà. Ah bah voilà. Faut essayer un genre. Alors, bon, on va commencer un sujet peut-être parce que là, on parle de rien depuis un quart d'heure. On n'a rien fait dans cette émission ce soir. Mais on parle quand même, on parle. Hein. Alors, Victor de Chatou, mon frérot, ouais. Il n'est jamais passé à la radio, Victor? Ah non, c'est le début. Ah, un début. Non. Ah bah, ça fait plaisir, je me sens. Vous savez, c'est vrai, parce que. Quoi, c'est fait, histoire? Quoi? Non, c'est Victor, tu m'entends là? Ah oui, c'est bon. Ah, c'est quoi, c'est fait? T'arrives, que fait? Comment ça se passe? Attends, parce que. Attends. Ouais. C'est une couille, quoi? Tu m'entends mal? Ouais, très non, mal. Non, je te dis, ouais. Toi, Victor, tu t'entends bien Sabrina là? Non, non, non, elle parle normalement. Non, merde. Elle est pas habituée encore. Elle commence à. J'ai tenté. Sabrina a fait le tour du monde en 80 bits. Dans 80 bits. Oh, notre nouvelle stagiaire, elle est choquée. Non, mais. Je ne te choque pas. Je vais te dire un truc. La radio, vous savez pourquoi j'aime ça? Parce que c'est du vrai délire et c'est du vent. C'est-à-dire que parfois, je rencontre des gros patrons de télé et ils me disent oh, putain, elle est classe ton émission, Guillaume. Et je me dis putain, heureusement qu'ils n'écoutent pas. Et en fait, c'est ça qui est cool, c'est que ça laisse pas de traces. On peut rigoler et on n'aura pas une image sale, etc. Non, mais c'est ça, c'est du vent, la radio. Main plan cul, en fait. Si tu veux. C'est un soir. C'est hyper agréable. Il n'y a pas de frontière à l'entrée de la chaîne de Sabrina. Non, non, non. Chat sans frontières. Sabrina, son cerveau, c'est son clito. Non, mais les gars. Non. Est-ce que t'as déjà fait qu'un esquimau Ah, c'est drôle, n'empêche. Non, mais les mecs, ça n'a aucun sens. Alors, Victor, excuse-moi, mon frérot. Vraiment, je suis confus. Hein, la soirée, je m'en couille. Là, on ne sait plus où j'habite. Là. Ouais. Alors, je vous offre le disque d'or de Ritza. D'abord, vous avez envoyé Guillaume et Ritza avec votre numéro au 612. J'offre les disques d'or de Ritza, on fait l'énigme, d'accord? Et non, ensuite, on parle que de cul. Vas-y, je vous laisse encore 15 secondes chrono. Allez-y. Guillaume, un espace, Ritza, avec votre numéro de téléphone. Il est là. Au 6-11-12. Voilà, il est là. C'est un tableau sur Ritza qui a été offert à mon patron par Ritza pour remercier pour avoir été disque d'or. C'est un cadeau qui ne s'achète pas. Il est fabriqué main. Ça n'a pas de prix. Un disque d'or à l'intérieur. Mmh. Une photo de Ritza immense avec marqué disque d'or remis à énergie. Pour plus de X albums vendus, etc. Donc là, vous envoyez Guillaume et Ritza. R-I-E-T-S-A. R-I-T-S-A. Avec votre numéro au 6-11-12. On va prendre maintenant le numéro. Est-ce que Aude et Sabrina sont-elles bisexuelles? Ah, on va en parler après l'énigme. La question qui intéresse. Ne soyons pas pressés. On dit pas tout. On est là jusqu'à minuit. Ouais. Ne lâchons pas la purée tout de suite. Il nous reste 20 minutes d'émission. Victor de Château, dans le 7-8. Ouais. On va d'abord appuyer sur le bouton, si tu veux bien. On va appuyer maintenant Sabrina. Ouais. On appuie sur le bouton, ça va nous tirer un Ritza au sort. Je vous offre le disque d'or et ensuite on se fait l'énigme. Sabrina s'est fait plus tamponner que mon passeport. Oh, oh merde. J'adore. Non mais c'est rigolo, c'est recherché. Là, il y a de la blague. Non mais c'est une blague, celle qui l'a dit. Allô. Sans fout, c'est de l'humour. Allô, ça va mon con? Ouais, ça va et toi? Ça va, c'est toi qui as envoyé Ritza avant là? Ouais, je t'avais envoyé un paquet de fois, ouais. Vas-y, c'est gentil, c'est quoi ton prénom? Jérémy, pourquoi tu parles doucement? T'es au taf, au boulot, dans le lit? Non, je suis en vacances avec ma famille en fait, donc du coup je voulais pas les réveiller. Ah, t'es où? Salut mec. Ah ouais, les vacances, c'est déjà commencé. Ouais, ça commence là. Ouais. T'es où? Dans les montagnes de la Savoie. D'accord, trop bien, 7-3? Ouais, 7-3, Savoie. Ah ouais, trop bien. C'est ça, 7-3. Et t'es pas de là-bas? Si, en fait, je suis retourné les voir parce que j'ai grandi là-bas. Attends, ta voix me dit quelque chose, Jérémy? T'es déjà passé plusieurs fois. Ouais, plusieurs fois. Ah. Plusieurs fois. Je me disais bien, ta voix me dit quelque chose. Tu fais quoi dans la vie, Jérémy, déjà? Moi, pour le moment, j'ai fini mes études. Là, je me fais une petite année sabbatique, on va dire. C'est vrai? Putain, énorme. Ouais. Tu viens de quelle ville à la base? Courchevel, dans le 7-3. D'accord, ok, vas-y, à côté, hein, du coup. Hein. Ouais. Dans la montagne aussi. C'est quoi. Ça. Et là, t'es avec qui, du coup, de la famille? Avec ma mère et ma grand-mère. Très bien, t'as bien raison, mec. Eh ben, profite de la grand-mère, surtout, faut en profiter de la maman aussi. Ouais. Ok, mon frérot. Je t'envoie le disque d'or, du coup, on a fait un tirage au sort, c'est toi qui l'as gagné. Je t'envoie ça demain en colis, d'accord? Bravo. Ça fait trop plaisir. Ok, de quoi? Tu sais quoi? Non, j'ai le cousin. Je vais l'offrir à ma copine, c'est son anniversaire demain. Alors, tu l'auras pas reçu demain, je pense. Hein, non, qu'on l'envoie. Je lui offrirai quand il arrivera. T'inquiète. Ouais, c'est ça. Bah, t'inquiète, on va un le poster cadeau, demain et puis tu vas l'avoir dans quelques jours. C'est les fans en plus. On va prendre l'appart ensemble, je crois que ça va être notre petit élément de déco là. Non, mais c'est vraiment. C'est une bonne idée. Il est joli, le cadre. Franchement, il est beau, hein, je vous le dis. Mettre chez soi comme ça. On va le mettre sur Twitter, on va prendre une photo et je vais marquer tiens, je viens d'offrir à Jérémy le disque d'or de Ritza avec Twitter. Tu peux venir, Aude, elle est à l'extérieur, au standard. Viens le faire en direct, comme ça on va le faire tout de suite. En tout cas, félicitations Jérémy, tu veux faire un petit dédicace ce poteau? Dédicace à tous mes potes qui écoutent en ce moment. Ouais. 7-3, 7-4. Et puis ma copine, bien sûr. Problème. Grosse dédicace à tout le monde alors. Y'a pas de soucis. Ouais. Tiens, prends-le. Vas-y, il est là. On va prendre une photo, direct, tiens, vas-y. Prends-moi une photo. Ouais, je fais la photo, j'ai sur mon Twitter, d'accord? Ah non, mais c'est rouge là, non? Attends, mets-toi là, regarde la place, vas-y. Je te fais la photo en direct, ok? Je te la mets. Vas-y, Aude, fais la photo là, vas-y. C'est bon? 1, 2. Bon. Allez, super, merci beaucoup. Tiens, je te mets la photo sur mon Twitter, tu peux aller voir comme ça à quoi elle ressemble, d'accord? Ah, je vais aller voir direct, ça fait trop plaisir. Ok, allez, gros bisous. Félicitations, mon poteau. Bien joué. Merci à toi. Ça fait plaisir en tout cas. Guillaume et le texto, 6-11-12 comme, comme Jérémy qui est là et tout régulièrement. Je reconnais ta voix, je reconnais vos voix quand vous passez. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Et franchement, c'est vraiment de la mémoire parce que je suis pas passé depuis un petit moment. Bah ouais, mais c'est-à-dire que cette émission, on l'a fait avec passion, si tu veux. Donc c'est comme, tu vois, les voix, en fait, on les reconnaît. Hein. Je sais pas comment c'est foutu le corps humain. Bah après, chacun a parce qu'on la a mémoire. Tous quand même deux yeux, un nez, une bouche et des oreilles, et on peut reconnaître 60 millions de personnes différentes, quoi. Moi, je trouve ça quand même impressionnant. Et pareil pour la voix, quoi. Et l'odeur. Je viens de dire être reporté sur. Ah ouais, tu m'as fait avec quelqu'un à l'odeur. Renifle. Mais je viens de dire, c'est un renifleur. Bah, je suis pas un tripoteur, c'est un renifleur. Bah non, je bande les yeux, je reconnais tout le monde. Bisous à l'équipe. Les mecs sont vraiment pas sympas avec les filles dans les messages. Mika du 6-8. Salut les gars, merci hein, pour les messages. Si t'es chaud pour un. Ouais. Et je peux juste rajouter un petit truc. Bien sûr. Je vais juste poser une question à JM en fait. Je sais savoir, il a déjà prévu le chirurgien ou quoi? Parce que là, franchement, avec Calvici, il faut faire quelque chose. Hein. Oh c'est son plus gros complexe actuellement. En ce moment, ouais. De quoi tu parles? Mais non, tout va bien niveau cheveux, t'inquiète. Ah, franchement, non, mais je te le suis depuis le début, mais franchement, sur les vidéos, ça se voit de plus en plus. Mais non, arrête, qu'est-ce que tu dis, poteau? Ah, mec, c'est la vérité. Hein. Attends, il est pas, mais c'est pas méchant, il dit pas non, ça. Non, mais grave, grave. Mais non, franchement, je pense que j'ai encore de la marge. J'en ai parlé à mon coiffeur et il m'a dit, bon, ça risque de vous arriver, mais vous avez encore 10 bonnes années avant que ça tombe. 10 ans, 10 ans, il est gentil ton quoi. 10 ans en chien quoi, 2 ans. Ouais, 10 mois, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est pas flagrant. Hein, non, ça va, même dessous, tu vois, là je penche la tête. Non. Sur les vidéos, Guillaume, quand même, ça se voit. Non, ça va. Par contre, j'ai un peu les cratères sur les côtés, je crois. Ah, ouais, la démarque cratère. Non, mais ça se voit un peu plus. Ça se voit, faut le dire. C'est normal. Mais c'est pas très grave. Non, mais oui. Si t'es chaude pour un plan cul de malade, envoie Nini au 1369. Non, parce que c'est le. Arrêtez les gars, c'est la sœur de JM du soir. Ah, c'est pas bien. Non, pas ça. Merci. C'est pas bien, ça les calvis si on peut, mais pas la sœur. Ah ouais, t'as compris. Non, c'est pas bien. Mais je crois qu'il aurait préféré la sœur que la. Parce que c'est ça, il va se coucher. C'est sûr, il va se coucher, il va se regarder dans la glace. Non, alors que sur sa sœur, il aurait oublié 5 minutes après. Quoi. Non, mais dis-toi en plus, je compte les cheveux blancs, Guillaume, là sur le côté, j'en ai 15. C'est pas vrai. Ouais, je te jure, je suis fané. Là, ah, t'as les cheveux blancs qui arrivent et ouais, tout. Ouais, c'est un problème là, je me remets en question. Ouais. Mais comment c'est. Ah, bah écoute, capillairement parlant, il y a un problème. Ah, bah ouais, c'est grave, hein, écoute, ça fait partie de la vie. Un ah, peu bah voilà, oui, c'est hein. Ça. Et bah écoute, on va compter ses cheveux blancs alors. Ouais, grave. La maturité. Et moi, je reconnais JM même s'il se rase la tête, salut. Ah, salut. Et bah merci en tout cas, les mecs. Merci mon Jérémy, je te fais un bisou, je te repasse le standard, d'accord? Ah, merci, bisous. Ah, pareil de cucu. T'as déjà pris du plaisir avec l'anus, toi? Moi ouais, bah on va parler après des doigts dans le cul et tout. Ah, pas avec le mien, non. Bah si, bah c'est très agréable. Ça se pourrait. Bah apparemment, ça peut être agréable. Non, mais c'est vrai. Ah, hein. J'en ai donné, mais j'en ai pas pris. Se faire lécher l'anus et tout. Non, mais j'aime à essayer l'anulingus. Ah oui, c'est fantastique, je confirme. Non, mais ça, c'est vrai. Mais tout le monde me le dit, par contre. Ah, oui. Vraiment, ah, mais faut oser le faire. Quand même. Et je le souhaite à tout le monde. Non, mais moi, c'est clair. moi, ça me gênerait un peu de me faire lécher l'anus. Sabrina, t'as déjà léché un trou de balle? Sabrina, mets ton casque, ma chérie, parce que quand je te parle, si tu me regardes et tu me réponds pas, ça va me casser les couilles. Ouais, non, parce que, en fait, ce soir, on a mis un double truc, donc je peux pas mettre le son comme je veux. Ouais, non, mais c'est bon. Pourquoi t'as pas le son comme tu veux? Bah, parce qu'en fait, vu qu'il y a un double jack, si je monte le son, et ben je pète les oreilles à JM. Mais c'est pas grave, c'est pour ça. Est-ce que t'as l'impression que ça nous intéresse? Juste pour savoir. Non, mais juste pour savoir si on dirait sur Énergie, on a quelque chose à branler du niveau du casque de JM. Ouais, Sabrina, j'adore. Elle est fraîche comme tout, parce que tu sais. Elle est nature. Non, parce que toi, il y a plus de sucre dans chaque mais c'est fait, on est en direct. Ça explique tout. Alors, déjà que cette émission, on se règle en direct, on règle les micros limites à l'antenne. Ouais. À un moment donné. Non, parce qu'il y a le niveau de mon casque, Guillaume. Tu veux que je t'appelle les techniciens là, ouais. Elle est magnifique. Non, alors vas-y, raconte, ouais. On t'écoute. Bah, si ça m'était déjà arrivé, c'est ça? Je sais plus ta question. De lécher un cul, ouais. Ah ouais, est-ce que t'as déjà léché un cul, c'est vrai? Question intelligente. Oui, ça m'est déjà arrivé. Et alors? Bah, je suis pas fan. C'était un mec, c'était le mec justement avec qui j'avais fait le God Ceinture. Ouais. Il m'avait demandé et du coup je l'avais fait. Oh, putain. Mais je suis pas fan du tout. J'ai pas recommencé. Ouais, non. Après, bon, il était propre et tout, c'est pas ça le souci. Mais c'est toi c'est qui. Tu l'as léché le cul avant le God Ceinture, genre? Ouais, juste avant. Pour tu l'as préparé, quoi. Tu l'as dilaté, c'est ça. Ouais, exactement. Mais après, bah. C'est l'idée, après il y a des gens qui kiffent, moi je suis pas très fan quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Après c'est un cul de garçon, c'est moins beau. Ouais, quoi. Ouais, y a des grave. Poils et tout. C'est moins fin quoi. C'est pas pareil. Ah, c'est vrai, hein. Non, mais c'est vrai. Et pourquoi j'ai déjà léché un cul de mec? Non, pourquoi? Non, mais je sais pas ce que tu dis, c'est différent. Non, mais moi je regarde mon cul dans une glace et je vois qu'il est pas beau, hein. Donc à un moment donné, tu vas le lécher. C'est vrai. Il lécherait pas son propre cul. Bah non, je vais me lécher les couilles. Moi, c'est moi non plus, hein, c'est sûr. Je lâcherai pas mon trou de balle. Ouais, franchement. Hein. Ah, le sale. Oh putain, cette phrase. C'est gênant. Non, mais c'est vrai qu'un cul de fille, c'est plus mignon, quoi. Bah oui. C'est propre. Ouais. Flo des cadeaux, déjà regardé ton truc. On a tous regardé son cul. Oui. Ouais. Et t'écartes bien, tu sais, pour voir. Tu te mets devant un miroir, t'écartes ton cul. C'est sûr, il a mis ta cuillère à soupe. Ah, non, mais c'est pour voir son corps, c'est bien. Ouais. Pour apprendre, mais après. Ouais. T'as déjà essayé de mettre une maglite, hein, Non, j'ai jamais rien mis dedans. Hein. Non, mais j'ai déjà écarté pour voir à quoi ça ressemblait. Hein. On a un god, on avait l'autre jour, ce que Jordan, notre apprenti, présente un objet le mercredi et le dimanche. Mmh. Il a présenté des objets technologiques. Et l'autre jour, il a présenté un god caméra. Ouais. Avec une, dans le god, il y a une caméra au bout avec une petite torche et tu vois l'intérieur de la chouchoune. De la chatte, mais ça sert à quoi? C'est médical, en fait. Bah, ouais. Non, mais n'empêche, on pourrait se le foutre dans le derche pour voir si tout va bien. Bah ouais. C'est un truc qu'on pourrait, parce qu'il y a des médecins, ça s'appelle des proctologues. Maintenant, ça s'appelle des gastro-entérologue, parce que ils apprennent tout l'intestin et le cul. Il n'y a plus des médecins que de l'anus qui font aussi les intestins. Et en fait, bah, ils ont des caméras comme ça, en fait. Bah oui. C'est exactement la même chose, Sabrina. Ouais, c'est ça. Là, je voyais que tu me regardais avec des grands oui. Non, parce que mais je pensais à mon père, en fait, qui avait vu. Non. Mais si, si, là, parce qu'il avait eu une fois une caméra dans le cul et il disait que ça faisait hyper mal. Ah bah oui, mais en fait, c'est des problèmes. Mais ouais, non, mais c'est horrible. Ouais, quand c'est des vrais, c'est. Enfin bref. Caméra ça rentre en avec des micros, je dirais. Le perchman. Avec des téléobjectifs et tout. Avec le fisheye et tout. Non, mais c'est vrai, et pourquoi malheureusement, il a eu un problème. Des hémorroïdes. Ah ouais, bon, ça va. Fait mal. Non, mais il y en a plein. On est beaucoup d'hommes et tout, après 50 ans, on est sous un peu. Ouais, il faut aller voir. La prostate et tout, c'est un vrai problème. Il y a des crèmes, j'ai perdu mon papy comme ça. Il y a beaucoup de problèmes de prostate et de trucs et tout. Ouais. L'homme, c'est le plus gros cause de mortalité, je crois. Ouais, la prostate. Après 50 ans, il faut aller se faire contrôler tous les 6 mois. Mais en non, théorie, un petit doigt dans le derrière. Si, si. Un petit touche. Ouais. Là, oh non. Bien sûr. Mm-hmm. Bah, c'est dramatique. Attends, comme le cancer des seins pour les filles. Exactement pareil. Voilà. Oh merde. Bonsoir à toi, gynesthésien. Ouais. Écoute, va raser ton chien, jette de la colle et mets les têtes sur les poils sur ta tête. J'ai pas de chien. Vous êtes chaud, hein, ce soir. Et j'aime bien parce que ça n'a absolument aucun intérêt, l'émission de ce soir, mais on a vraiment bien rigolé. Ah ouais. Ouais, grave. Il y en a un qui dit, est-ce que les deux filles sont bisexuelles? Attends, on fait l'énigme, on en parle. Ah oui. En tout cas, mon Jérémy, merci d'avoir été avec nous, mon poteau. Je t'envoie le disque d'or demain matin, d'accord? Bah, franchement, merci pour le disque. De rien, avec plaisir. Bravo. T'as joué, t'as gagné. Ah, enfin, je sens et tout. Tous les soirs, j'ai filé un disque d'or. Là. Demain, je vous file le Kinvé, mais ça va se passer sur Twitter. Il faut aller RT mon dernier tweet où j'ai mis la photo du disque d'or de Kinvé. Et vous êtes. Alors, dites-vous, les gars, là, il y a très très peu de retweets parce qu'il est tard. Il y a que 345 retweets. Les mecs, il y a moyen de gagner le disque d'or de Kinvé qui est unique. Hein. C'est une coupe énorme, etc. Donc voilà, je viens de vous le filer à l'instant. Ah bah, il y a Ritza qui a déjà retweeté, etc. Machin. Ah, il le veut peut-être. Et Kinvé qui vient de liker le poste, voilà. Et ben, alors 456, ça y est. Ouais. 456 RT. En tout cas, je vous le file dans deux minutes. Et Victor de Chatou, ouais. Est-ce que ouais, tu peux nous lâcher, mon frérot, la première phrase de cette énigme de ce soir? On cherche la bonne réponse et on vous file des tablettes. Il y a des overboards, des montres Samsung connectées, les PS4 Pro. Vous envoyez Guillaume et le mot que je cherche. La réponse de l'énigme de Victor. Avec votre numéro de téléphone dedans. Guillaume, par exemple, un espace chapeau. Et vous mettez votre numéro 06 nanana, au 6 11 12. On t'écoute, si tu veux, pour la première phrase. Alors, première phrase, on peut avoir un poil dedans. On peut avoir un poil. On peut avoir un poil dedans. Dedans. Oui. On peut avoir un poil dedans. Guillaume et la réponse au 6 11 12. Attends, je prends une feuille blanche. On peut avoir un poil dedans. J'ai pris une feuille avec un stylo, mais je vais l'écrire pour pas oublier. On peut avoir un poil dedans. Guillaume est le mot au 6-11-12. Si vous avez trouvé les mecs, allez-y maintenant. Bonne chance. Deuxième phrase, est-ce que tu l'aurais, s'il te plaît? Je vais lire les réponses qui arrivent. Si on la met au feu, c'est qu'on est sûr. Est-ce que ce serait le cul? Non, c'est pas ça. On peut avoir un poil au cul. On peut avoir un poil dedans. Si on la met au feu, c'est qu'on est sûr. Est-ce que c'est la bouche? Essaye encore. Est-ce que ça serait sur la langue? Non, c'est pas on ça. Peut avoir un poil sur la langue. Ah bah si oui. On dit un cheveu sur la langue. Petit poil, ouais. On peut avoir un poil dedans. Si on la met au feu, c'est qu'on est sûr. Je mets ma 1 au feu. Troisième phrase, qu'est-ce que c'est? Elle n'est pas morte quand on y va, franchement. Ah bah, il y est pas allé de 1 morte. Guillaume, donc, et le mot au 6-11-12. Les mecs, je vous file des PS4 Pro à 500 balles, des montres connectées, des overboards, des tablettes Samsung. Juste après, dans 30 secondes de but, je vous file ça. Partez en vacances avec Feder et Jason Derulo grâce à la phrase Énergie. C'est Jason Derulo. My radio, c'est Énergie. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Énergie ou sur énergie.fr. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. La radio pour l'été, c'est Énergie. Surtout, retenez-la bien. Cette phrase vous permet de partir voir Feder en Corse ou Jason Derulo à Marbella avec Énergie. C'est tout nouveau. C'est à tout moment de la journée. C'est la phrase Énergie. Une légende va renaître. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais c'est resté bien caché pendant 2000 ans. Et celui qui l'a ramené à la vie, c'est lui. Vous avez été choisi. Par quoi? Le mal suprême. La momie, avec Tom Cruise, plongé dans le mystère et l'aventure. À cause de ce que vous avez fait, cette force ancestrale s'est réveillée. La momie, le 14 juin en cinéma, avec Énergie. Chercher l'âme sœur, faire fortune, trouver le bonheur. Un conseil? Flou au 7-20-12. Ne t'inquiète plus, tout ira bien. Envoie Flou au 7-20-12. Nos experts seront là pour lever le voile sur ce qui te tracasse. Plus de poids sur le cœur, plus de peur. Flou, F-L-O-U au 7-20-12. Tu connaîtras enfin le soulagement d'avoir les réponses à tes questions. Envoie Flou au 7-20-12. Prends ton destin en main. Flou au 7-20-12. 65 centimes plus prix du SMS, Énergie. Gagnez votre super séance Énergie pour le film événement de cet été, Transformers The Last Night. C'est né comme une légende, la plus grande de toutes. Connectez-vous dès maintenant sur énergie.fr et gagnez dans votre ville une projection privée du film en avant-première, juste pour vous et vos amis. Transformers The Last Night, au cinéma le 28 juin avec Énergie. It's music only. De 22h à minuit sur Énergie. C'est Guillaume Radio 2.0. Allez, 22h minuit sur Énergie. Soprano, on va s'écouter après en entier. Ça y est, on est en tendance sur gameplay. Ah, merci. Oh, la vidéo du micro-ondes. Merci, les mecs. Cool. On est 42e en tendance. On va remettre des petits tweets et tout sur la vidéo du micro-ondes qui vient de passer en tendance là sur gameplay. On va remettre des petits tweets, etc. Je parle pour JM du Standard qui vient de remettre ouais, son pas casque. Aussi, ouais. Ça y est, 42e des tendances. Ça fait plaisir. Ouais, cool. Tain, les mecs, ça fait franchement, je vous kiffe, les gars. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. 206 000 abonnés. C'est en à peine deux mois. C'est trop cool, quoi. On a à peine mis 6 vidéos. Ouais, c'est vrai. Et vraiment, et déjà début, 206, quoi. C'est ouais. Exceptionnel. Merci beaucoup. Merci, je voulais dire merci à toute l'équipe. Merci à toi, mon copain. J'ai gagné une Nintendo au jeu de l'énigme le 8 mai. J'ai reçu ma console et la responsable des cadeaux m'a dit que Guillaume avait même ajouté le jeu Zelda. Vous me régalez, crise du 34. Bah, mec, quand je dis qu'on essaye de rajouter des cadeaux et de vous faire plaisir au maximum, merci, mon Chris. Attends, je vais t'appeler, Chris. Ouais. Réponds, poteau. La console attends. Sans jeu, c'est chiant, quoi. Attends, attends, il est où? 06 70 49. Je fais ton numéro, poulet, là, qui a gagné il y a quelques jours, juste pour lui faire une bise. Ensuite, on parle de cul. On va parler du plaisir anal dans deux minutes. On vous file des cadeaux aussi avec l'énigme dans 30 secondes. C'est musique de mariage rebeu. On appelle le gagnant d'il y a quelques jours, du 8 mai. Allô? Allô, Jérémy? Ah, c'est pas Jérémy. Ah, c'est Chris. Chris, qu'est-ce que tu dis? Excuse-moi. Ça va ou quoi, Chris? 34? Ça va. Toujours. Ça va? Routier? Ouais, toujours à l'écoute. Hein. T'avais gagné, c'est ça? Eh ouais, c'est le 8 mai, ouais. Ah ouais, exactement. Et donc tu l'as reçu? Eh là, c'est parce que j'avais en fait, ça m'a fait rigoler parce que 2-3 jours après, il y en a un qui avait gagné, t'avais demandé un jeu. Ouais. Et tu lui avais répondu, t'as qu'à aller te l'acheter. Ah. Exactement. Et alors? Et moi, quand j'ai reçu le jeu et que j'ai reçu la console, j'étais content. Ah ouais. Non, mais en fait, il faut prendre au second degré tout ce que j'ai à la radio. Parfois, en fait, je préfère même ne pas le dire à l'antenne et lui faire un petit cadeau en surprise qu'arriver et dire ah ouais, t'inquiète pas, regarde, vous avez vu tout le monde, je suis sympa, je file des cadeaux. Ouais. C'est plus drôle. Ouais, je préfère faire une blague à l'antenne, passer pour un connard, mais faire un beau cadeau après, toi. Non, voilà, mon fils est content. Ah, avec plaisir, frérot. Et transport, quoi, toi? Rouillé-Coulomb. Vas-y, représente en tout cas, mec. Vas-y, t'es où dans le 34? Là, je suis à Montpellier, mais là, je vais direction de Toulouse. Donc... Vas-y, bah, bon courage, bon boulot. Hein, voilà. Merci. Juste pour te faire un bisou à l'antenne, mec. À bientôt, en tout cas, avec plaisir. Et bon courage à toute l'équipe de travailler avec Jules Stagiaire. C'est ma fête, là. C'est vrai. C'est ta fête, je sais pas si t'as oublié, mais c'est juste parce que t'es parisien, en fait. C'est discrimination, alors. Ça va. Il y a un peu de discrimination. Ah ouais, il est comme ça. Bon. Allez, bisous, mon Chris. Bon courage. Ouais. Bon courage. Salut. Ça va parler de Théo de Perpignan qui s'est retrouvé avec une voiture dans sa piscine. Là, il va nous raconter histoire de fou, voiture volée, tampon dans sa maison et tout. Il va en parler dans deux shows. Il a appelé le standard. D'abord, Victor. Ouais, c'est moi. Tu peux couper le haut-parleur. Non, j'ai pas de haut-parleur. Par contre, j'ai la radio derrière. Bah, l'antenne, ça fait un écho énorme, poulet. Je la coupe, attends. Ah ouais, ouais. C'est mieux comme ça ou pas? Voilà, c'est bon. Voilà. C'est bon. C'est comme si moi je te parlais comme ça. J'avoue. Tu vois, au bout d'un moment, ça va te saouler comme ça. Bon, 14 ans de Chatou dans le 78. On va redonner l'énigme. T'avais donné les trois premières phrases. Est-ce que tu peux les redonner une dernière fois avant qu'on parle de cul? Alors, on peut avoir un poil dedans. Ouais. Si on la met au feu, c'est qu'on est sûr. Ouais. Elle n'est pas morte quand on y va, franchement. Ouais. Et. C'est tout. Attends, attends, attends. On peut avoir un poil dedans. Si on la met au feu, c'est qu'on est sûr. Elle n'est pas morte quand on y va, franchement. Est-ce que ça serait de l'assiette? C'est pas la bonne réponse. Un bouton. Bang. La bite. C'est pas ça, bang. La tête. C'est autre chose. Est-ce que ça serait un bras ou une bûche? Non, retente pas. Est-ce que ça serait une promesse? C'est pas ça, la couille. Une branche. Essaye encore. Un cadavre. Mauvaise réponse. La vigueur. Non, c'est pas ça. Il y a plein de messages qui arrivent. La soupe. C'est pas la bonne 06 raison. 29 64 91, tu te reconnaîtras, mon con. Est-ce que ça serait une pomme de pin? On peut avoir un poil dedans. On a un poil dans la 1. Si on la met au feu, c'est qu'on est sûr. Je mets ma 1 au feu. Elle n'est pas morte quand on y va, franchement. Écoutez, j'y vais 2. 1. Morte. Quatrième phrase, qu'est-ce que c'est? Quand on aide, on en donne un coup. Quand on aide, on donne un coup de 1. Voilà. Guillaume, le mot. Votre numéro de téléphone dedans, au 6 11 12. Qui suis-je? Cinquième phrase. Les vrais amis se comportent sur ses... Non, pardon, excusez-moi. Les vrais amis se comptent sur ses cinq doigts. Les vrais amis se comptent sur les cinq doigts de la... Quoi? Est-ce que ça serait la langue? Non, c'est pas ça, non. 06 34 53 17. Baisse bien ton numéro, Victor, mais pas la radio poulet, parce que c'est vraiment, ça fait un écho. Ouais. Juste, il y a réponse qui arrive. Est-ce que ça serait la veste par SMS? Non, mauvaise réponse. C'est pas la veste. Guillaume et le mot. Allez-y, franchement, c'est donné. Hein. Les vrais amis se comptent sur ses cinq doigts. Quand on aide.